à tous. Lâchez tous vos messages sur le répondeur de Love in Fun. Ouais. C'est un vrai carton. Hein. C'est trop bien, j'adore ça. Vous lâchez tous les soirs après l'émission, pendant la journée, pendant qu'on n'est pas là, justement, vous mettez un petit message sur le répondeur de Love in Fun. On écoute ça en début d'émission, tous les soirs, à partir de 20h. Et on sera là, dès demain, 20h, 23h, Love in Fun, avec le doc, avec Karima. Oui. Moi, je m'appelle Karel et on va retrouver ceux qui prennent le relais à 23h tous les soirs. C'est Mickaël Nolimit. Oui. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut. Bon, tant mieux, impeccable. Ah oui. Vous êtes bien marré? Ah oui, comme tous les soirs. Bon, tant mieux. Il est en pleine forme, il nous a raconté une petite anecdote. Tu ne savais pas, il a fait une expérience une fois. Il met des couches. Il a mis une couche culotte. Il s'est fait talquer les fesses. Ah d'accord. Écoute, comme tout le monde a été petit, le corps change. Ah oui, c'est exact. Et au fur et à mesure, voilà. Oui, bien sûr, petit, oui. Bah voilà, mais c'est ça. Bah oui, mais c'est oui. Non, mais c'est plus simple quand c'est des mecs de 50 ans, PDG, grosse situation, médecin, qui se doc, tapent médecin. Des délires. Non, non. Pédiatre. Encore moi. Bon, allez, bah retour de Love in Fun demain, 20h. Oui. Ça bisous marche. Et nous, on est parti jusqu'à 2h. C'est parti. Salut tout le monde. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Travailler aux urgences et puis on a vu débarquer une petite mamie avec des douleurs au ventre. Et donc, après l'échographie, on a trouvé un pot de confiture. Ah bah, hey, la confiture bonne maman. T'appelles pourquoi, dis-moi? J'essaierai de comprendre le fonctionnement des mecs. Bah, c'est facile. T'as frappé la bonne adresse. Tu te mets en string, il bande. Ah. Oui, merci Top. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Et oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée déjà. J'espère que vous êtes tous là ce soir. C'est lundi, on est reparti pour une nouvelle semaine. Même si nous on a commencé hier dans l'absolu. On est là le dimanche de 20h à minuit. On s'est bien marré comme vous avez pu l'entendre dans le petit jingle. Et encore, ouais. Ce n'est qu'un extrait de 30 secondes puisqu'il s'est passé d'innombrables choses hier soir. C'est un petit apéritif. Ah bah et encore, hein, c'est limite le tout petit de l'apéritif. C'est l'apéritif de l'apéritif, voilà. Et puis on est là tous les soirs de la semaine également, du lundi au jeudi de 23h à 2h évidemment sur Fun Radio. Car oui, il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir et un peu la nuit aussi dans l'absolu sur Fun Radio. 23h tous les soirs de la semaine, 20h minuit tous les soirs, tous les dimanches soirs, pardon. Donc prévenez vos amis, on est de plus en plus nombreux sur le Facebook, sur le Twitter et vous derrière votre radio. En tout cas, ça fait bien plaisir que vous passiez le message à tout le monde. En plus de ça, eh ben forcément, comme je le dis chaque soir, si vous avez des amis, si vous avez de la famille, il est intolérable de laisser volontairement des gens écouter de la merde. C'est vrai. Si vous savez qu'ils écoutent autre chose que Fun, il y a un moment, vous devez, c'est un peu votre devoir de citoyen, même si peu l'ont fait hier, de les prévenir et de leur dire qu'il y a quelque chose de certainement moins pire à écouter sur Fun Radio. C'est vrai. Et qu'ils doivent venir, évidemment, ne fût-ce que pour se donner une idée. Voilà, donc vous prévenez vos potes, vous leur dites, écoute, t'es en train de te faire du mal, écoute Fun pour essayer. Et normalement, bah, 900 sur 10, les gens restent. Hein. Bon, après, il y en a qui ont mauvais goût. Hein. Bon, ça, évidemment, ça arrive aussi. Ça arrive voilà, aussi. Malheureusement, on peut rien pour eux. Et on ne peut rien pour eux à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, nous, on prend tout le monde. Les petits, les gros, les grands, les bonasses, les moches comme Toff, ils sont là. Hein, pas de problème. D'ailleurs, les nous sommes une très polo, grande communauté. Toute la famille couleurs. Est là. Et nous, on prend toutes les couleurs, exactement. Toutes les religions, on s'en fout, on aime tout le monde. Soucis. Voilà, donc tout le monde est là. Et puis, bah, vous aussi, on a même Steven avec nous maintenant. Tiens. Salut Steven. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va? Bon, bah très bien, hein. Bah ouais, tranquille, t'as passé une bonne journée, Steve? Oui, Steven. Ça va. Bon, impeccable. Alors, t'as quel âge toi? T'as 16 ans, t'appelles des Vosges? Oui. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène? Aujourd'hui, bah j'étais en cours. Ouais, ce sont les choses qui arrivent, même au meilleur. Oui. Et? Et bah ça va, ça a été. Ah bon, bah d'accord, ok, très bien. Moi je pensais que t'appelais pour ça, un truc comme ça. T'appelais juste pour dire bonjour? Non, non. Ah, t'appelais pour quoi alors? En fait, moi j'appelais parce que j'ai sauvé la vie à un prof qui a fait un malaise en cours. Non. Putain, moi j'ai buté. Hey, alors, je l'ai pas vécu. Non, j'ai pas buté un prof. C'est con, hein, mais j'ai buté un escargot. Oh, bah, non, mais pauvre petit. Non, mais j'étais derrière la porte et puis à un moment je fais un pas en arrière et j'entends. Oh, je regarde, oh, l'escargot était écrasé. Oh, ah, je me suis dit putain, ça fait chier parce que il a rien demandé à personne. Tu vois, il faisait sa route. lentement, bah oui, le pauvre. Mais il faisait sa route et puis bah mais voilà. C'est pas grave, tant que tu l'as pas fait exprès, tu es pardonné. Oui, bah non, bah j'ai pas fait exprès évidemment. Bah ouais. Ouais, non mais c'est clair. Et donc voilà, donc du coup voilà, donc on peut officiellement dire que je suis un meurtrier. D'escargot, mais un meurtrier quand même. Tintintintintin. Bah ouais, bah écoute, qu'est-ce que ça arrive. Enfin bref. Bon, et toi Steven, donc t'as sauvé la vie d'un prof. Alors, il faisait un malaise, mais un malaise de quoi? Genre crise cardiaque ou tombé dans les pommes, il a fait quoi? Non, il est tombé dans les pommes. Ah ouais. Bon, enfin bon, après, tomber dans les pommes, ça veut pas dire que tu vas clamser, hein. Non. Oui. Ah, enfin, ça dépend ce qu'il avait, après, je sais pas, mais... T'as déjà sauvé quelqu'un, toi? Vous avez déjà sauvé quelqu'un, vous? Non. Non. Sandro, t'as déjà sauvé quelqu'un ou pas? Genre, qui tombe dans la rue, qui a un malaise. Ouais, non, si. Quelqu'un qui tombe, oui, mais enfin, je l'ai sauvé de rien, quoi. Mais genre, quelqu'un qui fait un malaise en pleine rue, qui tombe dans les pommes, ou qui a failli, j'en sais rien, moi, tomber, j'en sais rien, dans l'escalator, un ascenseur, le vide, je sais pas, moi. En Chine, là? Non. Il y a un petit qui tombe, un petit gars. Ah oui, le mec qui le rattrape. Et en fait, t'as deux mecs qui sont comme ça en train de se poser, se stabiliser, et tout d'un coup, tu vois le môme qui arrive et l'autre, il l'attrape. Ouais, tu imagines la chance. Non, c'est fort, très fort, ouais, c'est clair. Bon, bah, dites-nous si vous avez déjà sauvé des gens, on sait jamais, hein, Steven, toi, t'es content, toi, j'imagine le prof, il t'a félicité, il était content, bah, tu m'étonnes. Oui, il était content. Bon, bah, tant mieux. T'as envie d'écouter un son, Steven, ce soir? Non, d'accord, ok, parce que sinon j'avais... Bah oui, c'est ça, sinon j'avais Pitbull. Voilà. J'avais Pitbull qu'on écoutera dans un instant. Il est pas mal, c'est là. Bah t'as vu en plus, hein. Il y a aussi Keza qu'on écoutera avec Hideaway. On ira chiller comme ça pendant que Toff ira chier, évidemment. Et puis on écoutera aussi le son de. Qu'est-ce que je vais prendre ce soir? Bah Gilo, tiens. T'aimes bien Jennifer Lopez ou pas Steven? Ouais, ça va. Eh ben, très bien. Bah voilà, parfois on le mettra tout à l'heure. Restez bien là, si vous avez envie d'écouter les sons en particulier, bah vous demandez, hein, hashtag et Mickaël comme d'habitude. Vous demandez et puis on vous passe vos sons avant 2h du mat. Il y a Karim sur le Facebook qui dit je peux avoir un message de bienvenue, je suis nouveau. Bah bien sûr. Tu es un enculé. Bah voilà Karim. Corentin aussi, je peux avoir un message de bienvenue aussi. T'as vraiment une voix de tafiole là quand même. Hein. Bah voilà, c'était adressé à Toff, mais comme ça au moins tu l'as eu. Et Célia qui dit oh là là, je n'attendais que ça, j'ai failli m'endormir, je me suis dit non, il y a les meilleurs qui arrivent. Je vous aime. Oh merci. Célia, je te fais des gros bisous. Et Vladimir Poutine également, qui dit j'ai des amis qui vous écoutent du Japon et des États-Unis. Vous êtes connus partout. Putain, oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Non, mais c'est cool. C'est bien de les prévenir en tout cas. Après, je sais pas s'ils comprennent quelque chose, mais on les embrasse. Comment on dit en japonais bonsoir ou bonjour. Sayonara. Sayonara. Bonjour. Voilà, c'est ça. Ou konnichiwa. Bon, c'est vrai qu'on voit que Polo est multilingue, un vrai baroudeur. Il est multilingual. Exactement. Bon, écoute, merci d'avoir appelé Steven en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Hein. Je pourrais avoir un pack fan? Eh ben oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse, bien sûr. Salut à toi, Steven. Salut. Ciao. Et restez sur Fun Radio également, puisque le lundi, vous le savez, eh bien, le chéri, je peux te faire cocu, va débarquer. On jouera tout à l'heure. Si d'ailleurs vous avez envie de jouer avec nous au chéri, je peux te faire cocu, 01 42 48 5000. Et vous pouvez jouer aussi si vous êtes en Belgique, évidemment. Il y a un numéro, il n'est pas surtaxé, comme pour la France d'ailleurs, 02 851 4x0. Toff qui est donc là avec tous ses amis, nouveaux amis qui déchirent. Hein. Te faire foutre, connard. Voilà, très gentil. Allez vous faire foutre, je fais des têtes de con. Les yeux en face des trous, bref, l'autre au taquet, quoi. Des voilà. Gens charmants. Bon, et j'espère que pour débuter cette semaine, enfin, même si, comme je le disais, on l'a démarré hier, nous, mais bon, bref, vous avez des bons numéros à donner à Toff pour qu'on puisse appeler de nouveaux amis ce soir. Ça serait bien. Ce serait pas mal. Donc si vous en avez, eh ben vous n'appelez pas. Vous envoyez ça les numéros de téléphone des gens qu'on peut appeler sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On a Edgar avec nous également de Toulouse. Salut Ed. Allô, salut. Comment ça va? Bien, toi? Bon, tranquille, ouais. Alors, toute la semaine, on file des Wimini également et on offre également des packs poker. Donc, là, ce serait bien si ça pouvait être des filles majeures qui pouvaient gagner le pack poker afin qu'on fasse un strip poker. Bah, ce serait mieux. Ouais. Et si en plus, les gens qui gagnent peuvent ne pas savoir jouer, ce serait parfait mieux. Pour nous. C'est encore mieux, voilà. Donc, chacun ne joue pas très bien. Bah, tu veux jouer pourquoi, toi, Edgar, le pack poker ou la Wimini? La Wimini, d'accord, ok. Bah écoute, ouais. tu vas poser une colle maintenant. Alors hein, c'est parti. Si quelqu'un trouve la bonne réponse à la colle et qu'il passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Si jamais c'est le cas inverse, à ce moment-là, c'est toi qui gagne. On t'écoute. Vas-y. Alors, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Alors, si vous avez la bonne réponse, je répète hein, quand même. Hein, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël et la réponse au 64900 par SMS. Ça marche aussi depuis la Belgique comme d'hab. Hein. Vous envoyez aussi Mickaël et là vous envoyez au 6322. Et puis bien évidemment, dans quelques secondes, je vous la mets sur le Facebook de l'émission. Il suffira simplement de taper Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Je vous mets la colle dans quelques secondes, vous allez pouvoir la lire et y répondre. Et peut-être du coup repartir avec la Wimini. En tout cas, comme tous les soirs, on donne la réponse avant minuit 30. Normal. Edgar ? Ouais. Très bien. Tu restes avec nous ? On te reprendra quelques fois encore avant la fin de l'émission, évidemment. Enfin, avant minuit 30. Pour que tu puisses rappeler la colle à tous les auditeurs qui seraient un peu retardataires, quoi. Mm-hmm. Voilà, il y a le Bosniakov qui dit je vous écoute depuis le centre de formation de foot. Là, si je tweete plus, c'est que je dors, mais je vais rester le plus possible. Ah bah très bien, bah écoute, qu'est-ce que tu fous là-bas déjà aussi? Et pourquoi tu nous racontes ta vie surtout? Exactement, il y a Fredo qui dit big up à toi Mickaël. A plus, c'est Fred de Fleurus. Salut Fred. Et Club Med qui dit salut la famille, moi j'ai sauvé deux fois mon père qui a voulu une première fois se pendre et la deuxième fois il avait avalé 30 Xanax. Oh putain, c'est chaud ça. Ah ouais. Ah ouais, là par contre, là t'as vraiment sauvé quelqu'un, quoi. Hyper chaud, là c'est pour le coup, c'est vraiment sauvé, hein, doublette même. Bon, bah j'espère qu'il va mieux aujourd'hui. Axel qui dit je peux avoir un message de bienvenue également. Bah écoute, si tu veux, merde, j'ai fait de la merde. J'ai viré mes messages de bienvenue. C'est un drame. Alors ils sont là, voilà. Ta mère a le sucé les bites de culé, côtier. Oui, enfin bon, voilà, comme d'habitude, je ne connais pas ta mère, Axel, ça n'a rien de personnel. Et Néos qui dit je peux avoir un message de bienvenue aussi, je suis nouveau, Mickaël. Bah oui, je t'emmerde. Alors, on va pas mettre que ça non plus ce soir. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Bon, je rappelle que tous ces messages étaient à la base, évidemment, pour Toff. Bah oui, ce sont mes amis qui me le rappellent souvent. Bien entendu. Bon, et puis, est-ce qu'il y a des groupes ou des chanteurs que vous détestez? Par exemple, toi, Edgar, est-ce qu'il y a un groupe, un chanteur ou une chanteuse que tu peux pas voir en peinture? Non. Non, tu, il n'y a aucun que tu détestes comme ça, que vraiment, bah, t'aimes pas? Non, j'aime tout. Et toi, Toff? Il y en a un que tu détestes? Que je déteste vraiment, que je peux pas écouter. Non, il y a des trucs que je supporte pas trop, genre Justin Bieber, ces trucs-là, mais... D'accord. Mais sinon, il n'y a pas d'artiste que je déteste vraiment au point de pas pouvoir les écouter. Moi, j'ose pas poser la question à Polo parce qu'on va y passer la nuit. Magali Vaé. Ah, Magali Vaé. Ouais, peut-être Magali Vaé et l'autre qui avait fait Nouvelle Star, Papillon de Lumière, là, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai essayé de voilà, c'est ça. D'accord, ok. C'est Polo qui m'a soufflé le nom parce que j'avais oublié aussi. Un artiste que t'aimes pas? Oh, mais il y en a plein. Ah, non, pas d'acteur, hein, chanteur, chanteuse ou groupe. Ah, merde, parce que les acteurs, il y a beaucoup de merde. Justement, mais c'est pour ça, c'est pour éviter d'aller jusqu'à 2h du mat. Dont Vincent Cassel, voilà, que je déteste. Voilà, mais c'était pas le débat, donc. Et non, il y en a plein, ouais, il y a un peu. Bieber, je l'aime bien parce qu'on le connaissait quand il était petit. Oui, voilà, il était cool. Ouais, mais il a un peu changé, mais enfin bon, il était cool à l'époque. Non, mais il y a toute cette espèce de vague de chanteurs rock pseudo-français comme les Bébés Brunes, que je supporte pas. On les connaît pas perso, mais je déteste ce qu'ils font. Mais après, voilà, c'est une question de goût, évidemment. Bah, dites-nous, tiens, s'il y a des chanteurs, des groupes ou des chanteuses que vous pouvez pas voir en peinture, je vous pose la question. Parce qu'au Japon, il y a un mec qui a agressé à la scie groupe J-pop, c'est de la pop japonaise. Les filles ont eu quelques blessures légères, heureusement. Donc le mec expliquait qu'il ne les supportait plus depuis qu'une des chanteuses avait couché avec un autre homme. Voilà, donc venez nous dire s'il y a des chanteurs, chanteuses ou groupes que vous détestez. Vous nous appelez 0142. C'est un peu radical quand même. Mais c'est ça. 0142 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y aura Pierre et Corentin qui vont nous parler de gens qu'ils ont sauvés. Ce sera dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Pitbull. Pitbull et Gino dans un instant. La musique de la Coupe du Monde qui va arriver dans pas longtemps, là, dans 17 jours. Ouais, et la Belgique a fait 5-1 ce soir en préparation face au Luxembourg. Oui. Ah oui, ils sont un peu là. Enfin, Luxembourg en même temps. Ouais, peut-être, ok. Bon, enfin, contre le pâtissier. Non, bah, attention, le boucher. Le seul luxembourgeois qui a mis un but joue en Ligue 1 du Pays-Bas. Donc c'est quand même un professionnel. Après, les autres, effectivement, ils ont fait la pâtisserie ce matin et voilà. Ils étaient un peu fatigués, quoi. Bah, ils étaient un peu fatigués, voilà. Bon, donc du coup, ça s'annonce plutôt pas mal. 23h13 sur Fun Radio, vous restez bien là, on est là jusqu'à 2h du mat. Profitez-en, prévenez vos amis. On est sur Fun Radio, on est les seuls à être en direct jusqu'à 2h du mat. Donc profitez-en et puis bienvenue tout le monde. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, on est en direct sur Fun Radio, j'ai oublié d'allumer mon micro, c'est parfait. Bon, il est 23h15 sur Fun, il y a Debo qui dit « Je ne peux plus Beretta, les Mpokora, là, c'est le melon assuré. » Il y a Nico qui dit « J'aime pas les Wendy, Justin Bieber et Christophe Maé. » Clara qui dit « Je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît. » Tu es un enculé. Bah voilà. Et puis Titi aussi, qui dit « Moi, je peux pas entendre Bieber ou les Wendy, par exemple, également. » Bah continuez, on en parle. Quels sont les groupes chanteurs ou chanteuses que vous ne pouvez plus voir en peinture, même si vous les aviez aimés à un moment ou à un autre? train, mais là aujourd'hui vous pouvez plus, et ben vous balancez vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, sur le Facebook également, et puis bien entendu sur le standard, vous nous appelez où que vous soyez, évidemment il y a Sandro qui décroche vos appels, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Les appels de Tof qui vont débarquer dans un quart d'heure, le temps d'écouter Pitbull et Gino. Maintenant c'est We Are One sur Fun. Put your flags up in the sky. Le son de Pitbull et Gino, c'était We Are One. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit. Alors profitez-en bien, on est là. Je rappelle également qu'il y a la vidéo de Nabila encore, hein, qui est encore disponible. Oui. Hein, truc étonnant. Un truc de ouf. Franchement, j'ai cru qu'elle allait être censurée après quelques minutes. Finalement, on la traîne depuis presque une semaine, donc c'est quand même plutôt positif. C'est pas mal. Si vous voulez aller la voir, la sextape de Nabila, là, en gros, elle avait perdu son téléphone avec une sextape à l'intérieur. C'était la semaine dernière à Cannes. On a réussi à choper la sextape. On vous l'a mis à dispo sur le Facebook et surtout sur le YouTube de l'émission. Donc si jamais, vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Vous tapez Mickaël officiel sur YouTube. Ajoutez-moi. Enfin, vous abonnez à la chaîne et puis je m'abonnerai à la vôtre également. Vous tapez Mickaël officiel sur YouTube, pareil sur Facebook, pareil sur Instagram, pareil sur Twitter, bref on est partout. Il y a Johan qui dit moi c'est Lady Gaga, Justin Bieber, ou je les trouve cons et nul, voilà c'est ça. Alors il y avait quoi également? Il y avait Sonia qui dit moi je peux pas blairer Céline Dion. Il y a Tommy or Thomas qui dit la tristesse grâce à vous. Oh bah t'inquiète Tommy, on est là. Il y a Steph qui dit je déteste Imagine Dragons, perso je trouve ça hyper nul. Ah moi j'aime bien Imagine Dragons. Attends, on a un extrait là d'Imagine Dragons. Attends, on va te mettre un petit extrait là. On a l'extrait ou pas là? Ah voilà. Un peu plus loin, là c'est le début là. Moi j'aime bien encore. Oh, c'est rigolo, moi j'aime bien. Moi j'aime bien la meuf dans le clip. Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, c'est les musiques, enfin bon, du clip à la base. Pas du tout, la meuf est super bonne dans le clip. Mais oui, bah, mais écoutez, on s'en fout, refrain, de la ça meuf. Me parle à mon avis. Voilà, c'est la version live, mais comme ça au moins vous voyez de quoi on parle. Bon, écoute, c'est ton choix. Moi j'aime bien en tout cas Imagine Dragons. Il y a Laura qui dit j'espère que Tof, il va pas se faire punir. Ah, bah c'est pas gagné, ça lui pend au nez. Hein. Eh, mais comme il y a faillotage, il y a punissage. De quoi? Bah, qui prennent une mythe dans la gueule, il y a du faillotage. Là, je me demande. Je vais attendre un peu. Mais tu l'écoutes tout le temps, lui, il est jamais puni. J'attends encore un peu. Benjamin qui dit One Direction et Justin Bieber. Je pourrais avoir un message de bienvenue aussi. C'est vraiment une voix de tafiole, hein, quand même. Hein. Bah voilà, Benjamin et Balom qui dit je déteste les Wendy. Il dit c'est bon, il y en a beaucoup qui aiment pas les One Direction. Hein. Bah, continuez à donner vos avis. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Pareil sur Facebook également, vous donnez vos avis. Et on reprend Edgar en speed là pour la colle. Est-ce que tu es toujours là, Edgar? Ouais. Très bien, alors c'est le moment, c'est l'instant, c'est l'heure de la colle, on y va. Fais péter la colle pour gagner la Wii Mini. Alors pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Voilà, je rappelle que si vous avez la bonne réponse à la colle, il suffit de vous inscrire en envoyant Mickaël suivi de la réponse. Vous mettez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr jouer aussi via le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel sur Facebook. Et si vous avez la bonne réponse et que vous passez l'antenne, et ben vous repartez avec la Wii Mini. Si jamais vous ne passez pas l'antenne parce que vous n'avez pas la bonne réponse ou que bah tout simplement vous ne décrochez pas quand on vous appelle, c'est Edgar qui repartira avec la Wii Mini. Voilà, donc je répète encore un coup. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. On donne la réponse avant minuit 30. Tu restes encore avec nous, Edgar? Ouais, ça marche. Très bien, bah bouge pas de là, Edgar. On va prendre Pierre qui est avec nous maintenant de Vieux-Moulin dans l'Oise. Salut Pierre. Salut Mickaël. Oh, t'es un doux, toi? Oh là. T'es un doux ou pas? Ouais. Oh là là, Polo, il m'avait déjà. Ah, t'as déjà été. T'es déjà venu d'où officiel? Baptisé, précise toujours parce que Polo, il m'avait déjà. Baptisé, ouais. Non, je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 12 ans. De 15 ans, pardon. Voilà. C'est ça, c'est la règle. Dis-moi, Pierre. Si on dérange, tu dis. C'était quoi ton pseudo de doux? Je sais plus. Ah bah, il faut retenir ça. Mais il faut le noter, ça, les doux. C'est important. C'est comme si vos parents vous donnaient votre prénom et que vous l'oubliez. Ben ouais. Voilà, c'est aussi important, il faut le retenir. Bon, bah du coup on va te rebaptiser, on va t'appeler le doux qui oublie tout. Voilà, le doux qui oublie tout. Voilà, le doux qui oublie tout, voilà c'est ça. Bon, faut noter là, hein. Bon Pierre. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que tu nous appelais par rapport au sauvetage? Parce qu'on a eu Steven qui nous avait appelé en début d'émission pour nous dire qu'il avait sauvé son prof aujourd'hui. Et toi t'as fait quoi, Pierre? Donc moi en fait j'ai sauvé mon frère. Ah, je croyais que t'as dit, moi j'ai sauvé mon chien, mon chat, enfin tu vois. Comment ça ton frère, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce En fait il est tombé dans l'Oise à Compiègne. Merde. Mais il est tombé comment? Bah en fait il était tout petit, il avait 3 ans, il est tombé, en fait il a glissé sur le rebord de la rivière et moi j'ai rattrapé, j'ai récupéré, j'ai appelé les secours, ils l'ont mis dans du papier pour les réchauffer là, tu sais là. Ouais, c'est ça, le tour de survie. Ouais, le truc comme ça là. Et voilà quoi, c'est comme ça que j'ai sauvé. Qui c'est qui crie derrière là? Ça c'est mon frère, il déconne. Ah d'accord, ils veulent passer des dédicaces en fait. Oui oui, bah qui rêve. C'est quoi, c'est celui que t'as sauvé là? Ouais, il y a mon frère à côté de moi. D'accord. Dis-moi, c'est comme hier le doux là qui avait sauvé son grand-père. On en avait parlé hier dans l'émission pour ceux qui n'étaient pas là. Le mec, donc il est avec son grand-père en voiture et le grand-père était en train de rouler 120 km/h normal. Il fait une crise cardiaque. Le doux qui prend le volant, qui l'emmène jusqu'à l'hosto. Il avait 12 ans et en fait il a dit qu'il avait appris à rouler en jouant à GTA. Voilà. Normal. Donc du coup il a réussi à sauver le grand-père. Donc ce qui est bon quand même. Ouais, non mais c'est vrai, c'est pas mal. Ce qui est bizarre c'est qu'il est après dans GTA à 12 ans. Mais... Oui c'est vrai parce que normalement on peut pas jouer avant 16 je pense. Mais enfin bon, le principal c'est que ça a sauvé quand même le grand-père. Mais comme quoi, si ça avait été interdit, enfin s'il avait respecté l'interdiction, son grand-père serait mort et donc comme et quoi finalement. Aussi, et lui aussi peut-être, effectivement. Moralité de l'histoire, jouer à GTA. Tout à fait. Bah bravo en tout cas pour ton acte de bravoure, Pierre. Bravo. C'est bien, tu es bien doux. T'es bien doux officiel, bravo. Ouais, Pierre. Est-ce que je pourrais passer une dédicace et avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît? Ouais, allez, vas-y, comme t'es doux, t'as droit même à deux dédicaces puisque t'es doux officiel, vas-y. Ok, donc je fais une dédicace à la 6ème C à Ferdinand Bach à Compiègne. Tu les as prévenus que tu passais à la radio ce soufan? Non, je sais pas s'ils m'écoutent. Eh ben bravo, mais il fallait envoyer un message sur Facebook, Twitter et tout le bordel pour les prévenir. Oh, c'est pas grave. Ah bah si, c'est grave, dis donc. Et puis la 5MD du collège aussi. D'accord, ok, tu les as pas prévenus non plus? Et non. Eh ben bravo. Félicitations. Et mon frère veut passer une dédicace et est-ce que vous pouvez me faire un message de bienvenue? Dis donc, t'entends beaucoup de choses là quand même, hein. Ouais, je suis très... Tu étais très doux, hein. Ouais, t'es très doux là. Bon bah attends, je t'en mettrai un. Va te faire soigner, connard. Voilà pour le message de bienvenue. Merci. Bon allez, passe vite ton bro là, vite fait. Allez, vas-y. Allô, le frère. Comment il s'appelle le frère? Alexandre. Oh putain, deuxième doux. Oh la doublette. Oh là là. Oh merde, putain, il a quel âge le troisième là? Le troisième, il a 7 ans. Oh, pas parce que nous, c'est le record. C'est le trio de doux. C'est le record, on n'a jamais eu un doux aussi jeune. Ouais, je sais. Bon, passe à dédicace et puis tu nous passes ton frère, enfin ta soeur, enfin le 7 ans. Celui qui a 7 ans là. Non. Bon, tu voulais dire bonjour à qui là, du coup, le doux? Du coup, je vais faire une dédicace à mon pote Timothée. Ouais. De Trois Libreuil dans le 63-150 et à... Non, tout adresse et tout tranquille. et à toute l'école de nous aussi. Enfin, à tous ceux-là, quoi. Ouais. D'accord, ok. Bah, parce que juste pour qu'il dise bonjour, ton petit frère, comment il s'appelle? Il s'appelle Igor. Eh bah, passe-le, Igor, là, 2 secondes au téléphone, là, juste pour qu'on rigole. Ok. Vas-y. J'adore son rire. Igor! Comment va Grishka? Salut! Ça va Igor? Ouais! Ah putain, t'as quel âge Igor? J'ai 8 ans en fait! Non! J'allais dire c'est le vieux des doux, mais en fait pas du tout. Bah franchement, ouais, et tu sais quoi Igor? T'as une voix qui est plus grave que tes frères, ouais. Pourtant ils sont plus vieux. Ah bon? Ah ouais, t'as une voix majeure là, on a l'impression que t'as 20 piges. Ouais, on dirait presque un daron. Ah non, mais c'est vrai, hein, on dirait presque que c'est toi le père de. Des le doux. Père là, bah franchement, ouais, on dirait. Bon, Igor! Quoi? Bon, allez, bonne soirée, Igor! Ok! Allez, salut Igor, à bientôt! Je vais juste passer une dédicace! Oui, bon, alors vas-y, mais vite alors, hein, on va pas faire la soirée. Hey, on est premier, c'est sur les doux. Une dédicace à un copain qui s'appelle Jean, il est à l'école de Moulin. Ok, bah, pas de problème. Très bien, Igor, le message il est passé, t'as vu? Vive les doux! Allez, salut Igor! Hein. Salut Igor. Okay, salut. Ouais, ciao à toi Igor, bye. Bon, allez hop, les messages sont passés là, on est au taquet. On est au taquet avec les doux ce soir. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Corentin aussi qu'on va prendre dans quelques minutes qui est avec nous. Salut Coco. Salut Mickaël. Ça va Corentin? Ça va bien. Ça doit être horrible parce que je suis sûr que tout il y a plein de trous du cul qui doivent t'appeler Coco, non? Vite, c'est mon surnom donc je m'en fous. Ah, c'est ton surnom, bon, ça va, c'est ton surnom officiel, alors ça va, j'ai pas mal fait. Bon Corentin, toi t'as sauvé quelqu'un aussi toi? Ouais, j'ai sauvé mon cousin. Ouais. Ton cousin, il avait fait quoi? Une crise d'épilepsie. Il a merde. Ah, crise d'épilepsie. Oh putain, c'est chaud ça. Il faut y arriver en plus. Hein. Oh mais c'est vrai l'histoire de la langue pour les épileptiques. Qui se l'avale? Ouais. Il paraît. Ouais. Il faut la tirer. Ouais. C'est vrai. Ah oui, mais je savais pas parce que, enfin, voilà, on m'aurait toujours dit ça, mais j'étais pas sûr, donc. Voilà. Ah, et donc, du coup, t'as fait comment pour le sauver? Bah, peut-être, si tu veux, bah, le jour même, en fait, on sortait de sport. Ouais. Et il s'est battu directement à la sortie, tu vois. Et comme son père, il est décédé, bah, on a insulté son père. Ah ouais, c'est malin ça, c'est du con aussi là. Ça, après, ça c'est pas nous. Hein. Ça, bah oui, mais enfin bon, mais ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qu'ils sont cons, alors ça m'énerve, j'ai envie de leur mettre des claques. Bah, du coup maintenant, bah, quand on insulte son père, quoi, bah, il fait des crises comme oui. ça tout le temps. Oui, mais il faut pas le faire, et c'est normal. Ouais, non, je sais très bien. Et du coup, bah ils se sont battus, je commence à faire 100 mètres avec lui, il commence à tomber par terre et il me tire le bras. Je commence à le regarder et il bouge dans tous les sens. Ouais. Après, je regarde sa langue, elle a avalé carrément. Oh. Ah oui, bah voilà, tu vois. Hein. Ah ouais, bah donc après, même moi qui n'ai jamais vu ça, je suis devenu tout blanc. Quoi. Tu m'étonnes. C'est normal. Du coup, bah après, je commence à mettre ma main dans sa gueule, quoi, ouais. sur sa langue. Et après, bah, y a un mec en voiture qui est passé. Du coup, bah, il a appelé les secours. Et les secours, et bah, ils sont venus. Et bah, ils l'ont emmené à l'hôpital avec moi et tout. J'ai dû passer au commissariat et tout, moi aussi. D'accord. Putain, c'est chaud, mais bon, heureusement t'étais là quoi. Et ouais, le pauvre. Ouais, bah si j'étais pas là, bah je sais pas. Il serait mort, hein. Comment, ouais, je pense. Hein. C'est clair. Bah bravo à toi, en tout cas, c'est bien, hein, Corentin. Bravo. Merci, c'est gentil. Bah je t'en prie, écoute, Corentin, pas de problème. Bah merci d'avoir appelé, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Michael, tu peux me passer un son, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Bah tu me proposes quoi? Ah bah j'en ai plein, moi je sais pas. Bah il y a celui-là qui va arriver, Doug Diamond. Moi je sais pas si t'aimes bien, hein. Doug Diamond avec ouais. I Got You. Il tue, ouais. Il tue, bah tant mieux. Alors, écoute, on va le mettre dans quelques minutes, donc reste avec nous. Tu veux pas aller te zépiler, Star Wars? Je peux passer une dédicace Victor, un pote qui... Allez, vas-y, Corentin, une donc, personne, choisis la bonne, vas-y. Bah, dédicace à Romo Pitambas du 5-9 du collège Saint-Exupéry qui est dans ma classe. Ok, ça roule, bah, le message est passé, y'a pas de problème, on l'embrasse. Salut à toi, à bientôt. Salut, à bientôt. Allez, ciao à toi. Ah oui, l'information n'attend pas. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, la formation vient de tomber, on connaît enfin la taille idéale pour le sexe d'un homme. Et attention, vous allez être surpris, parce qu'il ne suffit apparemment que de 7 cm. Ah oui, ça va. Eh oui, selon une grande étude, en dessous de 6,5, bon c'est un peu juste. Au-dessus, ça ne sert plus à rien, dommage pour les Congolais qui ont une moyenne de 17,7. Ah oui, ouais, c'est dommage, c'est vraiment ah bah, 10 cm. Ils peuvent en donner aux autres quoi. Ah bah 10 cm qui servent à rien pour le coup là. Donc venez nous dire si vous êtes d'accord avec ça, 7 cm en érection. On a la bite idéale apparemment. Donc Tof, tu vas passer quelques appels malveillants à caractère pornographique comme d'habitude. Évidemment. Mes amis n'attendent que ça. Bah bien sûr, évidemment. Donc on va faire ça dans quelques minutes. Continue à balancer vos messages et les numéros de téléphone de gens qu'on pourrait éventuellement appeler, des gens un peu nerveux, un peu désagréables, un peu casse-couilles quoi. On va les appeler, toph@funradio.fr, vous balancez ça et puis on les appelle juste après. Doug Diamond, I Got You sur Fun. La tuerie Doug Diamond sur Fun, c'était I Got You. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio avec vos messages comme d'habitude, hashtag Mickaël, surtout n'hésitez pas, vous les balancez vos messages, ils sont là, on les lit bien entendu, comme là, il y en a plein qui sont arrivés, il y a Fristan qui dit je suis plié comme si j'avais 15 ans, tant mieux avec Mickaël, merci Fristan. Il y a Edwin également là, qui dit hello, je suis nouveau, je veux mon petit coup de pelle s'il vous plaît, je kiffe votre émission, avec plaisir le coup de pelle. Voilà, et puis je rappelle qu'il faut prévenir vos potes, hein, qu'on est là sur Fun Radio tous les soirs de 23h à 2h du mat et tous les dimanches également de 20h à minuit. Continuez, n'hésitez pas, on va continuer à parler de ceux que vous avez éventuellement sauvés. On aura et on va parler encore des chanteurs que vous détestez, chanteurs, chanteuses ou groupes. Et là, il y a plein de messages qui sont arrivés, on va en parler dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est l'heure de faire les appels de Tof, puisqu'on vous a appris évidemment. Ah. Bonne nouvelle pour les petites bites, c'est que 6,5, c'est largement non, suffisant. C'est 7. 7, ouais, pardon, 6,5, c'est un peu trop peu. Mais à partir de 7, c'est le top. Et au-delà, ça sert à rien. Voilà, donc 7 cm en fait c'est impeccable pour une fille. Donc voilà, on voulait savoir, on voulait connaître vos avis, mesdemoiselles, même les garçons, hein. N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos avis. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. En attendant, on a reçu plein de messages. Oh là là, oui. Qui sont arrivés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, pour qu'on les appelle et qu'on leur demande. Donc on y va, c'est parti. On appelle maintenant le premier sur Fun Radio pour leur demander si combien mesure leur bite en fait, en grosso modo. Non, on va demander si 7 cm c'est satisfaisant. Ah d'accord, ok. Ah bah oui, on va faire comme ça. Ouais, soyons professionnels et puis soyons. Vérifions jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, soyons professionnels. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier maintenant, 23h36 sur Fun Radio. Et on est en direct jusqu'à 2h. Ah, Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous trouvez que 7 cm c'est assez pour une bite. Ah, ça a le mérite d'être clair. Bon, malheureusement, le dialogue a été un peu rapide. Le dialogue a été interrompu, je pense. Je pense qu'il faut reprendre le dialogue. C'est ça. Il ne faut jamais laisser un dialogue suspendu. Voilà. C'est vrai. Bon, on va le rappeler. Enfin, la rappeler. Allez, hop, on y retourne. C'est parti. Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Je m'excuse, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais. Oui, en fait, je voulais savoir si elle trouvait que 7 cm, c'était assez pour une bite. Qu'est-ce que t'en as? Bon, je vais te la foutre dans ton cul, moi, ma bite, ton connard. Mais enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur? Bah, parce que toi, t'es vraiment un roi des cons. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, moi, je veux juste savoir si c'est vrai que 7 cm, ça suffit. Bah, écoute, moi, je suis un peu tantôt sur les bords et je trouve que 7 cm, c'est pas assez. Ah, oui, mais votre femme, elle en pense quoi? Ouais. Ah oui, bon, on n'en saura pas malheureusement, on va le rappeler quand même encore. Tous sur les bords. Oui, il est en tous sur les bords. Bon, bah alors, on va le rappeler, alors c'est parti, hop là. On rappelle monsieur qui avait l'air fort sympathique, hein. Adorable. Totalement. Ouais, alors. Oui, je m'excuse monsieur, mais en fait, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Non, écoute, tu sais ce qui te va t'arriver là? Non. Bah, il va t'arriver que j'ai repéré ton numéro. Oui. Je vais retrouver ta tronche de connard. Oui. Et tu vas voir si 8 cm dans le cul, ça fait du bien. D'accord? Ah, oui. Ah, donc vous, elle fait 8 cm alors, monsieur? Non, mais espèce de connard. Ah bah, je sais pas, monsieur, c'est vous qui venez de me dire 8 cm. Ben non, mais tu seras largement défoncé, mon pote. Allez, salut. Ah, il est sympa lui, hein. Tu seras largement défoncé. Mon pote. Mon pote, bien sûr, ils sont amis, hein. Oui, on est de très grands amis. Bah, de très très grands amis. Bon, bah, on en fera d'autres tout à l'heure dans moins d'une heure. Donc restez bien avec nous. Il y a Émilie qui dit salut à tous, je vous adore. Boubou du 34, salut Émilie. Kamal aussi. Hey les amis, on vous écoute depuis Marrakech, Maroc. Oh là là là là, c'est bon ça, Kamal. Et comment il fait là-bas là? Aujourd'hui, elle fait dégueulasse ici. Marie qui dit ça fait depuis 7 mois que je vous écoute et j'ai jamais eu de message de bienvenue. Je vous aime quand même, vous êtes les meilleurs. Merci Marie, je te fais des gros bisous. Petit message de bienvenue, t'en veux un? Eh ben, je vais t'en mettre un petit de message de bienvenue, évidemment. Hein. Je veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà, bon, évidemment, c'est parce qu'ils sont tous adressés à Tov, donc ils sont tous au masculin, bien entendu. Oui, bah oui, c'est normal, ce sont mes amis. Bah voilà, pas qu'on ait des problèmes, évidemment, avec la gente féminine. Tov, on dirait un sous-marin. Oui. Mais pourquoi on ne sait pas. Et alors Enelra qui dit aussi on vous écoute à fond. Bah, ça c'est le principal en tout cas. Merci beaucoup pour tous vos messages que vous envoyez tous les soirs. On est déjà hyper nombreux ce soir alors qu'on vient de démarrer l'émission, donc on est plutôt cool. Vous balancez encore vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook également. Vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et puis on va continuer à parler des sauvetages avec Olivia avec nous de Montagneux. Salut Olivia, comment vas-tu? Ça va et toi? Mais écoute, plutôt pas mal Olivia là, plutôt pas mal. T'as passé une bonne journée? Ouais, super, nickel. D'accord, ok, bah tant mieux. Alors tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Ouais, et ben en fait, tu vois... D'accord, ok, bah je saurais pas ce que tu fais dans la vie alors, hein, tant pis. Hein, puisque bah écoute, en fait j'en ai rien à foutre de la question. À moins que tu sois agent secret. Ah non, en fait, je suis étudiante en fait. Ah bah voilà, très bien. Bon, en agent secret? Donc étudiante alors, impeccable. Un BEP agent secret, fait. Voilà, c'est ça, dans les RG. Voilà. Non, bon, alors, toi, t'as sauvé qui, quoi, comment, pourquoi, dis-nous tout. Mais elle a sauvé la France, elle est agent secret. C'est pas que j'ai sauvé, c'est qu'on m'a sauvé en fait. Ouais. Et en fait, tu vois, le genre, c'est que j'étais petite et tout, genre 50 et puis je savais pas encore très bien nager. Et puis d'un coup je me suis emportée par une vague ou je sais plus trop quoi. Et puis je me suis arrêtée à une espèce de rocher. Ouais. Et puis un mec qui parlait pas français. Et puis il me parlait dans sa langue, j'ai rien compris ce qu'il voulait. D'accord. Et puis au bout d'un moment, il a vu que j'étais en difficulté, alors du coup il est venu me sauver. Je suis aussi mignon. Oh oui, c'est mignon. T'es sûr qu'il voulait que te... Ah oui, t'avais 5 ans, oui. Oui. Non mais comme elle a 17 maintenant, je croyais que c'était arrivé maintenant. Il faut mais en que fait, tu punisses Toff pour après, cette phrase. Après, t'as le franc qui est tombé, voilà. C'est ça en fait. Bon, et donc du coup, il t'a sauvé. T'as quoi? Ta mère était dans le coin ou pas? Non, justement. Elle me cherchait. Eh ben. Putain, mais c'est bon ça. T'as eu du bol, hein. Ouais, t'as eu du bol, hein. Je te le confirme, effectivement. Ouais. Attends, il y a aussi Loïc qui est avec nous de Montluçon, là. Salut Loïc. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et vous la famille? Eh ben tranquille, la famille va plutôt pas mal. Hein. Tu fais quoi ça dans la vie gros. Tu fais quoi Loïc? Bah écoute, moi Je vais faire un BAFA là. Je vais passer un BAFA dans peu de temps. C'est quoi un BAFA? En fait, BAFA, il veut être. Vas-y, vas-y. En fait, c'est un diplôme pour faire animateur de. Avec les autres. Ah d'accord, ok, c'est bien ça, c'est cool. Moi je pourrais pas. Hein. Oh, tous les gosses qui braillent, je pourrais pas. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont appelé un BAFA, tu vois. C'est... Ouais, ouais, pour les BAFA. Ouais, c'est drôle ça, une minute. Allez, oh non, c'est dégueulasse. Chien, hop, voilà. Voilà, non, il a pris une minute au coin, je pense que ça lui ira très bien. Bon, alors, du coup, Loïc, toi, t'as fait quoi, toi, pour sauver, tu t'es fait sauver, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, j'ai sauvé plein de personnes en fait. Ah, plein de personnes. Ouais, oui, je suis secouriste. Non, non, non, non, c'est pas ça. C'est que, enfin, sur le coup, oui. En fait, j'attendais le train et en fait, les barrières commençaient à se descendre. Ouais. Et il y avait un camion, tu sais, genre les camions de vaches, là, en deux parties. Les camions de vaches, oui, en deux parties, ouais, ouais, ouais. Et ben, il y en a un qui a voulu s'arrêter, mais en fait, dans sa tête, à mon avis, il a dû dire non, je m'en fous, en fait, je passe. Ouais. Et la barrière s'est crochetée entre les deux. Il a arraché la barrière s'est retrouvée en plein milieu de la voie. Ouais. Et le train arrivait, donc j'ai dit personne, je voyais personne, je bougeais son cul, donc j'ai dit je vais y aller, donc j'ai couru et puis j'ai enlevé la barrière. Ah oui, carrément, donc t'as sauvé tout le bordel quoi, merde, top, faut revenir, attendez une seconde, voilà. Donc t'as sauvé tout le bordel, le train, tout le bazar. Ah bah oui, oui. Putain, le train, la barrière, quel homme. Non mais c'est beau parce que tu vois après ça arrive souvent où t'es peut-être. Enfin ça arrive pas souvent, heureusement, mais je veux dire, où tu te dis ouais moi je le ferai évidemment. Et puis au moment où t'es là, t'as pas vraiment le temps de réfléchir à est-ce que tu le fais, tu le fais pas. Soit tu fonces et ben tu pries et voilà, hein, tu mets un cierge au passage, t'as 5 minutes. Soit tu fais rien et puis tu te dis au final putain j'aurais peut-être pu sauver tout le monde ou pas, après t'en sais rien. Mais... Parce qu'en fait moi c'est ce que je me suis dit depuis tout petit, j'ai dit putain pourvu que ça m'arrive pas, et en fait Le jour où, voilà, c'est arrivé. Mais c'est toujours comme ça, c'est quand tu dis faut pas que ça m'arrive que ça t'arrive. Exactement, ouais. Bon, en tout cas, bravo à vous, hein, Loïc et Olivier, là. Merci en tout cas d'avoir appelé, vous revenez quand vous voulez tous les deux. Hein. Et au fait, moi je voulais dire un truc. Ouais, Loïc, vas-y. Ça serait bien que vous serez filmé comme Loving Fun, là, tous les soirs. Ah non, non, parce qu'en fait, on fait de la radio. Ouais. Et en fait c'est pas beau à voir quand on se gratte les couilles et que je me cure le nez. Et puis ouais, il vaut mieux rester dans l'imagination parce qu'après. Oui mais qu'en fait si tu veux, alors moi je vais expliquer un truc à tout le monde. C'est vrai que j'écoutais. Est-ce qu'on peut avoir une musique de j'écoutais Attends, alors attends. On t'écoute et on est toutes oui. Bon attends. Moi j'aime bien écouter les histoires de Mickey. Oui une seconde, attends, je vais. Qu'est-ce que je peux mettre comme musique? Attends, j'en avais une petite là sympa, une musique de je raconte ma life. Les Carmina Burana, tu sais le truc que le peplum. Oh attends. Non. Voilà, c'est parfait. Ça, voilà. Fut un temps, j'écoutais la radio, Fun Radio en particulier. À l'époque, il n'y avait ni webcam, ni caméra, ni photo, ni internet. Bon, j'exagère un peu quand même, mais enfin bon, pas loin. Et c'était la TSF, c'était les débuts. Voilà. Mais non, mais en fait, moi, j'imaginais tout le bordel en fait qui se passait dans le studio. Et le jour où les mecs ont montré leur gueule. Je parle de Max, tu m'écoutes, hein, je t'embrasse. J'ai été déçu. Et moi j'en ai vu d'autres, je donnerai pas leur nom là mec. Non mais voilà, j'ai failli après vomir. Non mais c'est parce qu'en fait t'imagines tout ce qui se passe dans le studio. Et moi je trouve que c'est tellement mieux de rester dans l'imagination, de se dire putain ils doivent, ça doit se passer comme ci, comme ça, que de rester derrière une caméra et de regarder. Parce qu'en fait du coup t'as l'impression, enfin c'est mon avis, après ça n'engage que moi, hein, où t'as l'impression en fait qu'on est là, tu sais, comme dans un zoo. Il y a marqué ne pas nourrir, quoi. Tu peux pas, de toute façon t'es à la télé, enfin t'es derrière ton écran. Mais voilà, moi je suis pas trop. Bon, quand on fait des conneries, on les filme, on les met, hein, mais être filmé, puis tu vois, il y a des moments pendant les musiques, etc. Pendant l'émission. Voilà, bon. C'est ça, tu vois. On peut pas tout montrer, quoi. Il y a Toff qui se fait pomper le lard, on va voir des problèmes avec le CSA. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est les traces de coke après. Exact. Non, mais voilà. Avec des pièces à conviction. Mais peut-être qu'un jour, Loïc, après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, je sais pas, on verra bien. Le jour, t'as peut-être raison, parce que comment vous parlez de Toff, j'aimerais pas voir sa gueule en fait. Eh ben voilà, tu vois, finalement c'est pour le bien de tout le monde. Le jour où on sera filmé en 3D, on pourra peut-être le faire. Mais oh putain, quelle horreur, t'imagines un peu l'angoisse. Ça sera encore pire. Laisse tomber quoi. Ouais, mais t'auras l'impression que tu peux me toucher. Ah, génial. Bon bah super, bah voilà la bonne idée. Le jour où je pourrais te toucher, je me tue. Eh oui, je pense que c'est une bonne idée. Bon, salut Loïc, salut Olivier en tout cas, vous revenez quand vous voulez tous les deux. Je vous fais des gros bisous. On va parler des chanteurs qu'on déteste aussi avec Maxence qui est avec nous là en speed là. Salut Max. Salut Max. Maxence. Non, malheureusement, il nous a quitté. Attends, il y a Jérém aussi qui est peut-être là de Lyon. Salut Jérém. Salut. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Alors c'est quoi toi, le chanteur ou chanteuse, chanteur, chanteuse ou groupe que tu détestes? Justin Bieber et One Day. Il y a One Direction. Ah, One Direction et Justin Bieber. Pourquoi? Ils ont des têtes, je peux pas les voir. Ah oui, il y a des trucs comme ça. Moi, il y a parfois des gens comme ça que je croise, ils m'ont rien fait, ça se trouve, ils sont très gentils, mais c'est physique, ça rentre pas, ça va pas. Ah ouais, c'est ma chance aussi, ouais. T'as envie de lui mettre une putain de patate. Non, en particulier, je veux pas le nommer là, mais je peux pas voir ça. Non, mais il y en a plein, moi ça m'arrive plein de fois. Hein. Il est chauve? Ça arrive. Il a des cheveux. Non, mais ça arrive. Attends, Jérém, deux secondes. Il y a Sabine du coup qui voulait réagir aussi au chanteur. Jérém, tu as pas bougé, je te prenais juste pour voir donc Justin Bieber et Wendy. Et puis dites-nous, vous les chanteurs et chanteuses, que vous pouvez pas saquer. Vous nous appelez, on en parle juste après Kiesa, ça sera Hideaway sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, vous balancez vos messages 23h52 sur Fun. Il y a la friterie Elba qui dit Mickaël, moi c'est Christophe Mike, je peux pas vous en peinture. Il y a Ozik YouTuber qui dit aussi le chanteur que je déteste c'est Booba, c'est Murov. Jérémy, je sauve mes potes quasiment tous les week-ends en restant à jeun dans la boîte. C'est bien Jérémy, bah, continue comme ça surtout. Heureusement qu'il y en a encore. Emily qui dit salut à tous, je vous adore, c'est Boubou du 34. Moi je suis pompier volontaire, donc j'ai sauvé des vies, mais mon plus beau sauvetage est d'avoir réanimé un bébé de 9 mois qui avait fait un arrêt cardiaque dans une piscine. Ah putain, c'est bien ça Emily. Bah, c'est beau ce que tu fais, Emily. Jordan qui dit les Tokyo Hotel, ils ont jamais servi à quelque chose ces gens-là. C'est vrai. Après, pourtant, ils avaient reçu plusieurs fois. Au début, ça allait, puis après, comme tous les autres, ils ont commencé à se la ramener. Ah bah, c'est la drogue, ça. Et ils ont commencé à se la ramener. Bah, je sais pas si c'est la drogue, mais en tout cas, ils se sont ramenés. Il y a Crystal Sugar qui dit calé dans mon lit avec Mickaël sur Fun Radio. Bonne nuit, les potos. Et bah, bonne nuit à toi, Crystal. J'espère que tu resteras réveillé, en tout cas, jusqu'à 2h, hein, puisqu'il y a plein de choses qui vont se passer, notamment le chéri, je peux te faire cocu qui va arriver dans quelques minutes. Et Sichou qui dit aussi hello, j'ai été pompier 5 ans. Pour une crise d'épilepsie, la langue ne peut pas être avalée, c'est un muscle, du coup elle est contractée comme le reste du corps. Le seul truc à faire, empêcher que la tête se cogne et ne rien mettre dans la bouche, trop dangereux et ça ne sert à rien. Bisous. Ah bah voilà, j'espère que ça pourra aider quelqu'un en tout cas. Et Prismatic World Tour qui dit je suis en train de calculer en quelle matière je peux... Je suis en train de calculer en quelle matière je peux dormir demain pour voir combien de temps je peux vous écouter. Bah oui. Ah, en quelle matière je peux revenir. Quel cours il pourra dormir. Bien vu. Et ça, Kim Jong-un également, qui dit on promet sur Dictateur. Ah, toujours. Le chanteur que je déteste, il y en a beaucoup, mais je dirais Maître Gims. Et Hugo qui dit moi, c'est Lord que je peux pas blairer. Et sinon, je trouve que Toff a un air de Jean-Luc Lemoyne, mais c'est quand même un enculé. Oui, effectivement. Jean-Luc Lemoyne, c'est pas sympa pour lui. Ouais. Le mythe, il a plutôt un air de Jean-Cule Lemoyne, non? Toff? Ah, ouais. Peut-être. Ouais. Ouais, c'est plutôt un air comme ça. C'est mon côté enfant de cœur. Ouais, on parlera des bites également, là, de la taille que vous préférez, puisqu'on s'est rendu compte que 7 cm était la taille idéale. Au-dessus, ça sert à rien. En dessous, c'est un peu trop petit. On fait les appels avec Toff, évidemment. On en remet le couvert dans une petite trentaine de minutes. Il y aura Cindy qui voulait réagir. Mais avant ça, revenons sur les chanteurs que vous pouvez pas saquer. N'importe quoi. Chanteurs que vous pouvez pas sucer, ridicule. Donc les chanteurs que vous pouvez plus saquer, les groupes ou les chanteuses. Et Sabine est avec nous de... Oui, salut Sabine. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va, impeccable. Et vous? Eh ben tranquille Sabine. Bah ouf, ça va. Mais oui, tranquille, tranquille. Bon ben sois la bienvenue Sabine. Alors quel est le groupe, toi, chanteur, chanteuse, que tu peux plus voir en peinture? Britney Spears. Ah, Britney Spears. Pourquoi? Ah oui, je ne l'adhère pas, je ne la sens pas. Mais c'est physique ou c'est parce que tu n'aimes pas sa musique ou c'est quoi? Je n'aime pas sa musique, je n'aime pas son genre, voilà quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Ouais, bah après, ça n'aime rien quoi. Est-ce que c'est pas aussi un peu... Est-ce que c'est pas un peu peut-être aussi... Ah, je dis pas que c'est ça, hein. Ça pourrait être un peu de jalousie, parce que tu vois, avant, parce que maintenant elle est devenue daronne et donc elle a pris des formes et tout, qui plaît ou qui plaît pas, mais... C'est pas de jalousie, oui. Ah, il y a un peu de jalousie, parce qu'à l'époque de Baby One More Time, ou de I Must Live For You... Oh là là. Oh là là là là là là, mais c'était pas une bombe. C'est-à-dire que Baby One More Time, pour ceux qui connaissent pas, enfin si tout le monde connaît, mais je veux dire le clip en l'occurrence, c'est un truc qui est sorti un petit peu avant 2000 je crois. Et elle était en petite étudiante américaine. Oh là là là là là là là là. Non, c'est mieux avec là, elle était bonne. Ah là elle était bonne ouais. Et puis après il y a eu un Slave for You avec qui était en truc cuir. En cuir. Oh là là, j'aurais démonté. Là, c'était avec le string par-dessus le truc en cuir. Et puis il y a eu celle où elle était dans sa combinaison rouge là. Ah oui, pas mal aussi. C'est ça le truc de cuir, hein. Non, il y en avait deux, je crois. Amusley for You, elle a un pantalon en cuir, mais elle a son string par-dessus. Moi, je parle de la tenue rouge. Ah, oui, d'accord. Ça, c'était quoi celui-là? Ah, je sais plus. Après, je suis pas non plus. I hope I did again. C'est possible, ouais. Bon, attends, il y a aussi Maxence qui est avec nous là. Il est avec nous, Maxence dans le Nord, là, Escaudin. Salut, Maxence. Salut Mickaël. Ça va? Ah oui, et toi? T'es dans tes chiottes là ou quoi? Non. Je fais caca. Est-ce que t'as tu as des meubles? Ou tu es dans une boîte à chaussures? Tu es tellement petit que c'est ta possible, chambre. C'est possible. T'es où là? Je suis dans la salle de bain. Ah, donc dans la salle de bain, oui, c'est pour ça l'écho alors, d'accord. Alors, quel est le nom du groupe de chanteurs-chanteuses que tu peux pas saquer? Ah, moi c'est Jules. Qui ça? Quoi? Jules. Jules, c'est quoi Jules? C'est pas Jaoul plutôt? Ou Jaoul? Mais non, le Marseillais. Joule. Ah oui, oh là là, mais perdu, oh là là, mais c'est. C'est quoi? Quelqu'un peut. Oui, bien sûr, je vais te faire découvrir. Quelqu'un peut me donner un peu de culture, s'il vous plaît? Non, ça c'est Britney Spears, une seconde, je suis en train de me branler. Oh, attends, on a. C'est Joule alors, mais qui chante quoi? Mais je sais pas, moi j'aime pas trop les. Non, mais c'est quel style? C'est du rap, c'est de la musique française, j'en sais rien. Ouais, c'est un rappeur blanc déjà. Ouais, c'est du rap. Ah, c'est du rap, d'accord, ok, parce que je connais pas, attends. Tu l'as là ou pas? Ouais, ça charge, là. Ça charge. Ah, ça charge. Bon, alors attention, chargeons alors, on y va. Voilà, c'est bon. C'est bon, ouais, c'est du rap marseillais. Oh. Mets un peu plus loin, mets un peu plus loin. J'ai mangé une pomme, j'en ai mangé une deuxième. Oh, ouais. Fils de carnivore. Tu leur as dit qui se trompe ici pour un disque, is gone. Je vais sortir un disque qui colle. Ouais, c'est un rap français. Oui, c'est un rap français. Mon avenir de route, je me nique la tête au studio. Pourtant, le rap, je le baisse. Qui veut me test. Bon, ça va. Non, franchement, bon après, moi je suis pas trop rap dans l'absolu. J'aime quelques morceaux. Le mais rap, il y a bien pire. Hein. Ouais, enfin bon, quand tu es rappeur, tu t'appelles pas Jules quoi. Non, mais peu importe après, voilà, c'est une question de choix. Après, salut, je sais pas. Je suis Louis, je suis rappeur. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, je suis rappeur à la Tessie de Versailles. Ouais, bon, attends, il y a Cédric aussi qui est avec nous de Lyon là. Salut Lyonnais. Salut Mickaël. Comment salut, ça va? Ça va bien, ouais. T'es en forme? Ah, bah il faut. Bon, c'est qui que tu peux pas saquer toi? Il y a Bieber, les Tokyo Hotel, à cause de leur coupe de cheveux invraisemblable. Ah bah, il y a plus de coupe de cheveux, hein. Ah, ça y est, donc. Ah, bah, depuis oui, longtemps, depuis là. Temps. Ah, je sais pas, en même temps, je suis pas, mais je me rappelle que de ça, quoi. Du tonne de gel, j'imagine la tonne de gel qui doivent se mettre. Ah, bah, je sais pas comment ils faisaient pour faire tenir la c'est Bill, hein, c'est ça? Comment ils faisaient pour faire tenir le bordel en haut, là, mais c'était d'une violence. Moi, je me souviens, la première fois qu'on les a reçus, on nous avait dit, ouais, machin. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Il y avait un auditeur à la radio qui m'avait dit, ouais, tu peux passer Tokyo Hotel. Je lui dis, c'est quoi ce truc? Ouais, le titre, c'est Schrei. Putain, tu sais, je voyais une chanson allemande d'une violence sans nom, c'est un peu la Rammstein. Donc je me dis non, mais non, attends, machin. Et puis un jour, je me suis dit, bon, tout le monde me le demandait, donc je l'ai passé le son de Schrei. Putain, un jour, on les avait reçus à la radio. Il y avait mes 150 000 personnes devant la radio. Je me suis dit, waouh, putain, c'était quand même violent. Il y avait des mecs, des maisons de disques, tu vois, c'est les nouveaux Rolling Stones. Ouais, alors peut-être, hein, mais ça a duré 3 jours. Ouais, enfin. Plus ou moins, ouais, c'était, hein, grosso modo, c'était quoi. Les nouveaux Rolling Stones, mais 3 jours. Ouais, c'était les nouveaux Rolling Stones, mais par intérim. Voilà, c'est voilà, ça. C'est ça. Et ouais, donc Tokyo Hotel, pour ceux qui connaissent pas, donc c'était un groupe de rock allemand. Ah, tu et oui, si tu veux, ouais, mais je pense que tout le monde connaît. Ah, et pour toi, Cédric, là, c'est juste pour faire plaisir, on va te mettre un petit bout. Ah, si, vraiment. Non, attends, sinon, c'est. Si tu veux vraiment me saouler en ce moment, et ça passe sur toutes les radios, c'est toi, tous les chanteurs qui veulent chanter, qui veulent sortir une chanson pour la Coupe du Monde pour se faire, pour te blinder de thunes. Ben, on a fait notre propre truc de Coupe du Monde avec Toff et bien Mickaël, sûr, hein. Évidemment, ouais, tout à fait. Mais je supporte pas parce que c'est juste pour l'opportunité, tiens, on sort une chanson. Ben, on va en faire une, on va. Allez, la France, allez, la Belgique, le Portugal. On va partir. Ouais, c'est tous les pays. Européens. Ouais, tous les pays. Non, tous les pays du monde, on s'en fout. Faut que ça sienne dans 3 minutes, 34 minutes. On va tous les citer. Ah bah t'imagines, ouais. Je suis sûr que ça pourrait marcher. Bon, on l'a ou pas là? Attends, il y a 14 secondes de pub. Ah putain, ils sont relous sur YouTube là. Putain. Ah ouais, mais moi je suis bon client chez eux. Hein. Ah ouais, bah ça c'est sûr, effectivement. Ouais. C'est laquelle que t'as mise? Bah, j'ai mis la meilleure, j'ai mis Schrei. Ah, oh, génial. Alors ça y est, attention, on y va. Ah écoute, c'est pour toi. Ah bah, marche pas. Ah si, voilà. C'est ça. Oh putain, ça vit. Mais un peu plus loin là. C'est du son dance floor, hein. Ah bah ouais. Allez, c'est pour toi Cédric, écoute bien, le refrain est pour toi là, je te l'offre. Ouais. Si je te l'offre. C'est pour toi, rien que pour toi là, écoute. Ah putain, il avait pas mué non plus, c'était un doux. Ouais. À l'époque. Ah c'était un vrai doux à l'époque. Hein. Ah ouais, il était doux le Bill de Tokyo Hotel là. Nine. Ah écoute, allez, c'est pour toi Cédric, là, vas-y, cliff ma gueule. Ah voilà. Ah t'as détesté. C'est cadeau, c'est pour nous. Voilà, c'est pour moi. Qui voulait dire crier, oh. Si mes souvenirs ouais, sont bons. Il y a la version anglaise, hein, qui s'appelait Scream. Ouais c'est vrai. Mais enfin bon, voilà, c'est ce qui les a tués, je pense, que d'avoir commencé à chanter en anglais. Mais enfin bon. Bon bah Cédric, merci à tous d'avoir appelé. Maxence et Sabine également, vous revenez quand vous voulez, hein. D'accord, ok, impeccable. Qu'est-ce que tu veux Sabine? Je voulais vous dire que je vous fais des gros bisous. Bah, nous, je vous écoute tous les jours. Eh ben, c'est gentil. Et puis, santé à toi, Sabine. Hein. Continuez les blagues le soir, c'est cool. Eh ben, c'est gentil, Sabine. Salut, Sabine. Ouais, Maxence, tu voulais dire un truc? Tu peux avoir un Paxel? Oui, oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite, t'inquiète. Eh, Mickaël, pour la Coupe du Monde, est-ce que t'as coup de boule? Coup de boule? Non, j'ai pas coup de boule, non, malheureusement, je n'ai pas ça. Mais on va regarder tout de suite. Bah, si, on va regarder tout de suite. C'est quoi coup de boule? Tu sais, Zidane, il l'a mis en 2006, là, la chanson justement pour la Coupe du Monde. C'est ça? Voilà, oui, c'est ça, ouais. Ah ouais? Ah non, c'était nul ça. J'arrête directement parce que ça va vraiment, ça m'a saoulé. Oh, c'était nul. Ah, et le clip, c'était. Oh là là, c'était nul. Bon, bah Cédric, merci pour ces magnifiques chansons. Hein. Ma culture, on a pris un coup dans la gueule. Ah bah, on est vieux quand même, hein, qu'est-ce que tu veux? Ah bah, c'est ça. Ah, on a adoré là. Ah ouais, trop. Bon, salut Cédric, ciao à toi. Allez, bonne soirée. Allez, on termine avec les chanteurs, avec Jérémy qui est avec nous, toujours de Lyon là. Jérém? Ouais, je suis là. Bon, du coup, tu nous avais dit que c'était quoi, toi, que tu détestais Wendy et Justin Bieber, c'est ça? Ouais. Voilà, et ouais. Pourquoi encore? Parce que du coup, on a eu la pub qu'on a pas le temps. Déjà, c'est leur tête que je peux pas me voir. Déjà, je trouve que Justin Bieber, il se la racle un peu trop. Lui, je le croise devant moi, je l'envahis déjà. Ouais, il se la ramène un peu, c'est vrai. Mais bon, tu me diras, il se la racle. Mais bon, vu les moyens qu'il a, il peut bien aussi un peu... Voilà. C'est vrai qu'il a plus de moyens qu'un peu de nous tous ici, donc bon. Ah bah alors là je te confirme. Je me demande même s'il a pas un peu plus les moyens que tous les auditeurs ici, tous ceux qui sont dans ce studio réunis. Non, Tuff, il est tellement blindé. C'est faux, il y a Vladimir Poutine qui nous écoute, il y a Kim Jong-un qui nous écoute, c'est faux, ils sont bien plus blindés que lui. C'est vrai que c'est une merde comparé à Poutine. C'est vrai, parce qu'il pourrait être blindé, il est blindé. Mais donc c'est de la jalousie, Jérém, c'est parce qu'il est plus blindé que pas toi. Bah, et c'est surtout ce qui m'énerve aussi, c'est que toutes les meufs sont dessus, alors que quand tu vois leur tête, alors que la plupart ils sont gays. Le One Direction, tous les télos, ils sont gays. Bah, tu sais pas ça, s'ils sont gays, je crois pas qu'ils soient tous gays. Hein. Mais non, ils sont pas tous gays, c'est pas possible. J'avais mon ex, elle était fan de One Direction, de Justin Bieber, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a foiré, mais elle m'a dit, elle, qu'ils étaient gays. Les oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, elle les connaît pas personnellement, je veux dire. Elle a pas essayé de les sucer. Non. Bah voilà, non, mais voilà, bah voulu. Après. Elle en a bien voulu, mais bon. Oui, bah je me doute, mais après, voilà, je pense que. On n'en sait rien, enfin tu vois, sauf qui fait son coming out et qui le dit ouvertement, bon voilà, t'es fixé, mais sinon. Après, t'as des chanteurs qui sont efféminés et qui sont pas pour autant gays malgré tout, tu vois. En tout cas, Bieber, il est pas gay, puisqu'on l'a vu, il a été surpris dans une boîte à putes à Rio de Janeiro, dans une boîte de striptease, aller chez des tétons de stripteaseuses, etc. J'en passe et des meilleurs. Tout à fait, ouais. Donc voilà, mais après les One Direction, je pense pas qu'ils soient tous gays. Moi, je crois pas non plus, ouais. Tiens, il y a Abdou qui dit, moi, je peux plus blairer Justin Bieber, les Wendy et les pires les pires de toutes ces vraies merdes. Oui, c'est bien étalé, Abdou. Hein. Ouais. Je déteste Christophe Maé, c'est Clara qui avait envoyé le message. Et alors Kamal aussi, qui écoutait. Ah oui, depuis Marrakech, je l'avais lu. Le message tout à l'heure. Bah, merci beaucoup. Il y a Corentin également de Bretagne. Salut, je m'appelle Corentin, je me kiffe, alors du coup je me salue moi-même. Voilà, salut Coco. Ça va et toi? Bon, très bien, ouais, tranquille. Alors Corentin, toi c'est qui les chanteurs? Ah, il y en a qui parlent d'animateurs radio ou de télé. On parle de chanteurs, chanteuses et de groupes de musique hein, ouais. Donc voilà, les animateurs radio, télé, etc. Bon, vous pouvez parler de Toff. Oui. Voilà, si vous l'aimez pas. Mais seulement bien pour dire que vous m'aimez. Ouais, tu parles. Bon, alors c'est qui que tu détestes toi, Corentin? Moi c'est Stromae et Jul. Stromae, pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça, j'aime pas ces musiques, c'est... Bah moi j'aimais bien au début, et là j'avoue que l'enfilade de ton, le son qu'il a sorti d'un coup, ça m'a saoulé un peu là. Mais bon, ouais, c'est mon avis, après les gens aiment bien, mais... Il y a juste une musique que j'aime bien, enfin vite fait, c'est L'Homme à l'eau. Enfin, c'est trop... Ouais, bon après moi il y en a une que j'aimais bien également là, je sais pas si je l'ai encore là... Je sais pas si je l'ai encore, merde, je crois que je l'ai plus. Quand tu veux que je te la mette? Ouais, si tu veux, ouais. C'est une magnifique chanson qui avait été faite pour Polo, hein. Ouais, mais c'est ça. De Stromae, là. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ah, voilà, très bien. Allez, il y a de la pub ou pas? Ouais, il y a de la pub. Il y a 30 secondes. Oh merde, putain, en plus, c'est une pub de merde. Bon. Alors, tu l'as fait loin ou pas? Attends, on voulu le faire exprès, quoi. Eh, hey, il y a un con dans le monde, dans tout l'univers. Et c'est nous qui en avons hérité. Et il s'appelle. J'ai nommé. Rien, je sais pas, monsieur Tom. Je vais le mettre sur eBay. Mais avec les enchères inversées. Celui qui propose le moins, il peut l'avoir. Bon, ah, voilà, il y a encore 5 secondes. Oh là là. Oui, je peux rien. Ah oui, tu peux rien. Avant, on pouvait passer les pubs, mais non, c'est ça, mais bah non, pas plus. Il est con, alors. Polo. Ça ferait que cette merde en plus. Si doigt lui dit plutôt. Il est con, alors. Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve. Voilà, donc c'est la chanson pour Polo, voilà. Ça pour une vanne qui a servi à rien au final, mais bon. Ouais, comme ça, c'est fait. Voilà. C'est vrai ou pas alors, Polo? Je déteste les frites et je. Et il peut pas manger de moules. Ouais. Non, j'aime plus, je mange plus de frites depuis un moment parce que je suis à la diète. Tu détestes pas. Et les moules, je peux pas en manger. Pourquoi? Je fais des allergies aux fruits de. Ah oui, c'est vrai qu'il fait pas de cunis, j'avais oublié, effectivement. Bon, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, ben merci Corentin, merci Jérémy d'avoir appelé. Hein. Ouais. Tu peux me mettre. Attends, chacun son tour. Vas-y, Corentin, d'abord. Je peux pas, c'est un petit son. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas ce que mais c'est Bienvenue en Bretagne. Bienvenue. Sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça encore C'est quoi Bienvenue en Bretagne? C'est une sorte de rap humoriste, enfin, on va dire. Une sorte de. Bah écoute, on va essayer de le trouver, je te promets rien, mais on va essayer de le trouver si tu veux. Okay. Attends, c'est bon. Attends, qu'on fait pas de la merde. Attends, non, c'est bon, ils ont pas de pub. Bon, ça m'étonne pas. Ah si, c'est là. C'est quoi ça? C'est l'orage, c'est la Bretagne. Mais plus loin, là, mais plus loin. Mais il y a de l'orage toute la chanson ou... Mais non, c'est au con d'après ça. Bienvenue en Bretagne. BZH, zone de houle. Aïe. Ouais. United States of America. Allez viens, on se casse, direction Far West. T'inquiète, ouf, t'attrape, bouffe ton Paris-Brest. Là-bas, c'est chez moi, Finistère. Ton Paris-Brest. Chanté comme la Bresse. Mon parnage prend le TGV, je me casse d'ici. Cap sur la Bretagne et son alcoolémie. Cassozon, c'est mon pote. Résonne dans ta tête, j'entends le loup, le renard et la galette. Rendez-vous. Ouais, c'est rigolo. Non, c'est sympa, ça a l'air drôle. Un vrai repère de flibustier et de poivron. Fais pas le billet de comptoir, t'es trop red man. Éponge ton bide avec ce Queen, on prend maintenant en tournant dans la forêt de Brocéliande. C'est bout du monde, coco, c'est pas Disneyland. J'ai plein de potes qui en sont revenus handicapés. L'armorique, je veux la voir, boire et je l'aurai. La Bretagne, ça nous gagne. Ici c'est Bogota, bienvenue où le soleil n'existe pas. Je vais t'arroser de cidre, mets-toi à l'aise. On vient pas à Plougastel pour se taper des fraises. Ambiance fest, nosière, mat, kenavo. Mec, tu vas finir dans le caniveau, Charclos. Je suis un touriste ici, franchement ça me plaît trop. Viens, on va y... Ouais, c'est rigolo, bah dites-nous si vous voulez qu'on l'écoute avant la fin de l'émission là. Vous dites, hein, voilà, le rigolo de la chanson en fait hein. Bah hashtag et Mickaël, voilà, vous demandez. Bah merci Corentin du coup, hein. Ah oui, bah forcément, en plus t'es breton toi, évidemment. Elle représente la Bretagne, Corentin. Hein. Bah ouais. Eh bah oui. Bon bah salut à toi en tout cas. Ok, salut. Salut Corentin, tu voulais dire un truc Jérém? Ouais, tu peux me mettre un son aussi? Ah bah qu'est-ce que tu veux toi? Sous réserve qu'on est hein, parce que après on a pas tout non plus hein. Bon vas-y. Et qu'il y ait pas de pub devant. Oui c'est mieux. Attends, je pense pas. Love Me Again. Love Me Again de qui? Oasis. John Newman. John Newman. Oh ah, bah ça, je suis pas sûr qu'on l'ait en revanche. Je crois pas qu'on l'ait. Ah oui, Love Me Again. Ouais je vois. C'est pas très. Alors est-ce que tu vois le logo de Fun ou pas là, visuellement là? Tu l'as en tête? Non. Bah tu vois bien à quoi il ressemble quand même. Le rond rose avec marqué en avec le fond bleu, Fun Radio, tu vois. Ouais. Voilà, bah, juste en dessous il y a une phrase. Tu vois ou pas la phrase qu'il y a juste en dessous? Non, je vois pas. Ça commence par le son. Tu vois pas la suite, non? Non. Ah ouais, bah oui, non, là, forcément, évidemment. Le son Dance Floor, donc tu vois, ça nous permet pas non plus de passer tout, évidemment. Non, là, pour le coup, on a vraiment pas en plus le John Newman, vraiment. Si, j'en ai une bonne version, là, je pense. Ah, une version remix? Ah, c'est pire que ça, c'est une version hardcore. Non mais ouais je l'aime bien mais après c'est... Je préfère les versions originales, les remix je déteste en général. C'est comme la version de Nirvana Smells Like Teen Spirit, c'est scandaleux d'avoir... C'est la musique de FIFA 14. Ouais tout à fait, non mais je l'aime bien en plus hein. Mais c'est quoi cette version remix? Attends parce que j'ai peur du refrain, j'ai très peur du refrain, attention. Ouais. Oh ça va encore. Oh ça va, je m'attendais à pire. Ouais moi aussi. Non elle est bien en plus effectivement, mais pour le coup on la prend la version YouTube et le son est dégueulasse Jérém, malheureusement. Mais en tout cas c'était bien proposé quand même. Ouais. Ou sinon Britney Spears. Lequel? N'importe. Ah moi, n'importe. Moi j'ai envie de dire si on se remettait un petit... De parce quoi que ça, parce que Stéphane c'est mon fantasme en fait. Un petit remix personnel. De quoi? De Britney? Ah, oh. Britney Spears. Putain, ouais. Ah oui, oui, oui, oui. Ah oui, mais bon, alors c'était quel titre encore? J'ai oublié. Work Beach. Oh, ouais, voilà. Voilà, Work Beach. Bon, alors je vais vous faire un remix de tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore. Pour le Prince Nadia, sa dédicace. Elle adore. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas à l'écoute au tout début de l'émission, vers le mois de août, je crois, août, septembre, où on faisait les remix en direct. Je le fais en direct, le remix de Britney Spears tout à l'heure. Restez bien à l'écoute. Voilà. Bon, ben merci à toi, Jérém. On le passe avant 1h du mat, d'accord? Attends. Juste que quelqu'un prévienne le prince Nadia, parce que je crois qu'elle est pas sur Twitter, qu'on lui dise, parce qu'elle est fan, elle est obsédée par ça, et donc arrive. Bon ben restez là, il y a le remix, il y a également le shérif peut te faire cocu avec Christelle qui va arriver dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis tout à l'heure aussi, on se fait le son de Kesza maintenant avec Hideaway. On est au cœur de la nuit presque sans pub. On est sur Fun Radio, on est au cœur des heures sans pub. Ah, on a bien chillé là avec Hideaway, c'était Kesza sur Fun. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternel? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. En direct, évidemment, sur Fun avec les canulars, les appels de Tof dans quelques minutes. On demande un top tweetos également, là, puisque je rappelle qu'on donnera un cadeau à celui qui aura le plus tweeté ce soir avec le hashtag Mickaël sur Twitter. Et le principe est simple, vous postez un message en rapport ou non avec l'émission, vous mettez le hashtag Mickaël dedans, et puis du coup, ça vous fait monter dans les stats. Et résultat, numéro 5 à minuit 16, qui est numéro 5? C'est Dizzy. Numéro 4. Fred S34. Numéro 3. Vladimir Poutine. Numéro 2. Virginie 66. Et numéro 1, le Bosniakov. Le Bosniakov, évidemment, très bien. Bon, donc si vous voulez faire monter ça, n'hésitez pas, hein, hashtag et Mickaël, tout simplement, vous balancez vos messages, vous prévenez vos potes qu'il se passe enfin un truc à la radio, et que c'est sur Fun Radio que ça se passe. Avant le chéri, je peux te faire cocu avec Christelle, on va se faire évidemment les teubés de la télé. Et si vous voulez faire souvent l'amour, eh bien bonne nouvelle, j'ai la solution. Pourquoi faut-il peindre une chambre en mauve? Ah, belle étude anglaise qui a voulu comparer le rapport entre la fréquence sexuelle des couples, oui, et la couleur de leur chambre à coucher. Et il s'avère qu'une chambre mauve, c'est 3,5 rapports par semaine en moyenne. Ah oui! Ah oui, ah oui, bah ça vaut je vais mettre immédiatement du mauve. Ça vaut bien la peine de mettre en mauve. En Alsace également, ils ont trouvé une solution pour donner aux gens envie de venir à la mairie. Honenheim, 1000 habitants, était un village paisible, trop paisible. Mais ça, c'était avant. Avant que la mairie ne se transforme en bistrot. La salle du conseil en débit de boisson et le jardinier communal en barman particulièrement sous pression. La bière, bière. Les Alsaciens, c'est la bière. Café, hier, zéro. Voilà. On a déjà vidé un fût en deux jours, 30 litres. On attend que le deuxième. Voilà. Ah bah tranquille, hein, même lui il est plus très net. Hein. Bah c'est une bonne idée, tiens. Et puis dans les amours, il y a Tex qui s'est un peu emballé. Hein. Caroline connaît-elle top? La première chose que vous achèteriez, c'est vous gagnez au loto. Oui. Un piano. C'est gagné, c'est bon. Non, non, non, c'est encore. Non, il en manque une. Vous partez, il en manque une. Retraite. Il en manque une. Non, pas du tout. Il en manque une. Pas du tout. Il y en a que 6. Voilà, et donc toujours les amours, on a des champions de la Géo. Ludovic, Tatiana, connaît-elle top le pays d'Europe où vous pourriez aller travailler? Oui. Les États-Unis. Eh oui, un bel pays d'Europe. Hein. Oui, très beau pays d'Europe. Oui. Les États-Unis, voilà. Yaria qui dit, moi ce que je ne peux pas blairer, c'est la gueule de déchets organiques de Tof, lol. Il y a Gianni qui dit, désolé, je viens d'arriver, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Tu es un enculé. Bah voilà, parce que t'arrives en retard, du coup tu prends un coup de pelle aussi, tiens. Hop là. Et puis Florian qui dit, je peux avoir un message de bienvenue également. Tu es un enculé. Ah bah voilà, comme ça t'as eu deux fois le même. Et alors Katy Perry, My Queen, qui dit, j'avais 13 ans, une petite de 2 ans était tombée dans la piscine qui était très froide. J'ai sauté, du coup j'étais très fier. Bah écoute, t'as de quoi être fier en tout cas. Et puis un message aussi de Sébastien qui dit, bonsoir, moi j'ai sauvé ma femme car elle écoutait notre radio. Alors je l'ai mis sur Fun à haute dose. Ça c'est bon ça. Le meilleur sauvetage de la soirée, dis donc. C'est beau ça, c'est magnifique. Bon allez, en parlant de sauvetage, on va probablement détruire un couple maintenant, puisque nous allons faire le chéri je peux te faire cocu. Comme tous les lundis soirs, c'est parti. On va jouer maintenant avec Christelle qui est avec nous. Salut Christelle. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça écoute, va. Ça va bien, tout le monde va bien, on est tranquille, tout va bien. Surtout qu'on adore le chéri, je peux te faire cocu, donc ouais. on est toujours un peu motivé. Je me demande toujours quelle est l'insulte la plus violente que je vais me prendre en pleine gueule. c'est toujours ma grande question avant le chéri, je peux te faire cocu. Je sais jamais quelle insulte je vais me ramasser en pleine tronche. C'est toujours un grand mystère. Écoute, je sais pas, est-ce qu'il est plutôt du style vénère ton mec?

Voilà. Dans quelques minutes, on va prendre Cindy qui sera avec nous de Marche en Famène pour parler des grosses bites, enfin des grosses, des petites en l'occurrence, hein, puisqu'on est tombé sur une information très importante qui dit que 7 cm est la taille idéale. En dessous, c'est trop petit, au-dessus, c'est trop. Voilà, ouais. Tout simplement, tout ce qui est au-dessus, ça ne sert à rien. Ce sont, c'est le thème des appels de Toff. On va en parler dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Jillway First Love maintenant sur Fun Radio. Il y aura aussi le remix de Britney Spears fait par moi-même. Hein. Ah, ça, c'est le meilleur. Bah, que je vais vous remixer en direct. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus fait, donc falloir que je m'entraîne un petit peu quand même. Hein. Mais on va le tuer, hein, autant vous le dire directement là. On écoute Gilo maintenant sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub, c'est First Love. Bienvenue sur Fun Radio. Alors, j'étais en train de préparer le remix avec Britney Spears et j'avais presque oublié celui de la semaine dernière, dis donc. Allez, nique ta mère à la pute. C'était dans quoi ça, j'ai oublié, dis donc. C'est dans le canular. Ah oui, ouais, dans le canular de jeudi, bah je suis con, ouais. En plus j'ai oublié, tiens. Bon bah voilà, on va le faire le remix de Britney Spears dans quelques minutes. Il y a Clément qui dit je veux coucher avec Sandro. Ah bah écoute, bah pourquoi pas, il est disponible, fait un sourire. Normalement ça devrait aller. Femme hein. Qui rit, bah fille qui rit, fille au lit, non. Non, oh, femme qui rit, femme qui rit. Comment? Pas forcément. Bon, d'accord, ok, je pensais. Femme qui rit sur une tartine. Ah, voilà. Qui rit. Ça ira, ça ira. Le Tanguy du Web qui dit je déteste Maître Gims, c'est tout est à jeter. Jérémy Love qui dit les groupes pourris, c'est ceux de l'Eurovision, les Twin Twin. Et après, il y a eu tellement que j'aurais pas assez de tweets pour tout mettre. Et où est-ce qu'il est aussi? Ah non, c'était Jérémy Love qui disait ça. Jérémy City qui dit oui, je déteste les Twin Twin Eurovision 2014 avec moustache. Et le Bostakov qui dit je déteste les Wendy, c'est vraiment pourri. Et Grégory qui dit moi, j'ai sauvé mon frère d'un accident de moto. Ah bon? Voyons, ce serait bien de savoir comment. Jordan qui dit marre du taf, heureusement que vous êtes là pour redonner la pêche, bise à vous, continuez comme ça, c'est que du bonheur. Ben merci Jordan. Et Joris, Cécile, salut l'équipe, je vous écoute tous les soirs, vous faites trop marrer, j'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Justin Bieber également et Maître Gims que je déteste, et la team Ben Poutine qui dit demain j'ai cours et je vous écoute. Eh ben c'est très bien Sim Radio, là t'as bien fait. Et Kevin, il y a un message de bienvenue également, je vous kiffe bande de connards. T'as pas de couilles. Bah voilà, nous aussi on le kiffe. Et puis Karl aussi qui dit continuez à être au top comme vous l'êtes. Pour tout déchirer, bisous à toute l'équipe. Merci, continuez à balancer vos messages avec le hashtag Mickaël, comme d'habitude évidemment. Et puis là, c'est parti pour les appels de Toff. Avant de prendre Cindy qui est avec nous déjà de Marche en Famène. T'es là Cindy? Cindy? Non, malheureusement Cindy nous a quittés. Bon, c'est pas grave, on va la rappeler dans quelques minutes. Donc on va faire les appels. Les appels donc sur le. On est tombé sur une information très importante. Vous savez qu'on cherche des informations très importantes. Et on s'est rendu compte, apparemment, d'après un sondage, que au-delà de 7 cm c'est trop gros. En dessous de 6,5 c'est trop petit. Voilà, c'est ça. Donc en gros. Taille idéale, 7. Apparemment. Taille parfaite, c'est 7 cm pour un sexe. Donc donnez vos avis, les filles, les garçons, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va donc appeler maintenant quelqu'un qui nous a été envoyé. Oui, quelqu'un qui nous a été recommandé par un auditeur apparemment via les mails de Toff. Hein, vous pouvez envoyer des numéros de téléphone sur son mail toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va. On l'appelle. Il est minuit 40, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h. Bienvenue si vous arrivez. Ça ne décroche pas. Allô? Oui, bonsoir madame. Monsieur? Ah, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme trouvait que c'était assez 7 cm de bite. Je sais pas de quoi vous parlez, mais bon. Là, vous allez un peu loin. Là. Mais pas du tout. Vous parlez de pélo, mais. Bon, mais. Bref, bon. Oui. Ouais. Et bonne soirée, parce que moi je crois que vous parlez mal déjà, s'il vous plaît. Ah non, pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça? Et moi j'ai déjà, je suis pas pédé, j'aime bien que les femmes. Oui, mais c'est justement c'est pour ça que je demande si votre femme, elle, ça lui convient 7 cm. Ça, c'est son problème à lui. À votre femme? Non, pas ma femme. Bah, si on touche à ma femme, c'est même pas la peine. Je le tue. D'accord, mais parce que là, ça répond pas à ma question, parce que moi, je voulais savoir si votre femme, ça lui convenait à un sexe de 7 cm. Vous êtes pas loin, en plus. Comment ça, je suis pas loin? Justement. Bonsoir à vous. Oui, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Bah, vous lui demanderez à vous. Vous lui demanderez à lui. À qui? Bah, je sais pas. Bah, moi non plus, c'est à votre femme, monsieur, que moi, je veux poser la question. Moi, je suis pas pédé, moi. Oui, ça, j'ai compris, monsieur. Mais votre femme, elle en pense quoi d'un sexe de 7 cm? Ah, demandez-lui. Bah, passez-la moi, monsieur. m'attendez. Bah oui. Merci. Jean-Pierre Sauzère. Hello ? Oui, bonsoir monsieur. Moi je t'encule de tous les côtés et tu fermes ta gueule. Maintenant, si t'as pas content, tu viens te montrer là. Et puis on verra. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Hein ? Le rapport de quoi ? Bah je sais pas. Si, bah, je sais pas moi. Moi c'était le rapport en soi. Il y a un rapport. Allez, ferme ta gueule. Oui, ils sont phénoménales les deux là. Ah, et donc entre l'autre là qui on sait pas à mon avis il a dû cuver pendant je sais pas combien de temps. Bon, on va rappeler monsieur alors hein. J'espère qu'on va retomber sur monsieur, on va le rappeler hein. Alors, on avait dit que c'était du grand cru par mail et ben effectivement vous êtes pas foutu de notre gueule hein. Allez hop, on rappelle. Il ira bien lui hein. Je pense qu'on a récupéré Cindy, on fera également la colle avec Edgar. Et ça ne décroche plus, alors, c'est dommage. Allô ? Oui, allô ? Non, parce que je vous avais pas répondu à la question, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Non, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur, oui, parce que je m'y retrouve plus. Non, je disais, vous aviez pas répondu à la question. Excusez-moi, vous parlez bête, là, ou quoi ? Ben, non, monsieur, pourquoi vous dites ça ? Excusez-moi, là, là, franchement, là, vous oui. Parlez... Non, mais vous parlez de bite là. Oui, oui, c'est ça, de oui. Bite, là. Oui, c'est ça. Mais attendez, vous parlez de pélo là. Ben non, je veux savoir si ça conviendrait à votre non, femme. Non, attendez. Non. Moi, je vous le dis, s'il vous plaît. Oui. De quoi vous parlez, s'il vous plaît, monsieur? Ben de la taille du sexe de votre femme. Enfin, qui conviendrait à votre femme. Vous allez voir les PD, c'est votre problème, et pas moi. Oui, mais là, je veux savoir si... Si votre femme, elle serait contente avec une bite de 7 cm. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de qui là? Mais comment ça? Vous parlez de qui là? Mais je comprends pas monsieur, moi je vous demande... Non, parce que là ça va être... attendez, là vous parlez oui. De quoi là? Bah, de vous taille... parlez de qui là? De taille de bite moi, monsieur. Moi je suis pas un PD là. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous prenez pas un guignol ou quoi là? Mais pas du tout monsieur. Me prenez pas pour un guignolo, moi je suis pas un guignol. Mais pas du tout, monsieur, j'oserais pas. Enfin, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Si vous voulez téléphoner à des betteraves, oui. C'est votre problème, oui. Mais moi, j'en suis pas un. D'accord. Ok ? Oui, bah, j'ai compris, monsieur. Vous avez besoin de cul. Vous allez voir, je sais pas, vous allez en ville, là, au parc, je sais pas quoi, ou en ville, là. Vous allez voir, ce sera bien là-bas. D'accord. Hein ? Vous pouvez vous faire enculer, si vous êtes des PD ou je sais pas quoi. Mais je sais que vous êtes des pains, vous êtes des malins. Et t'es un malin, toi aussi, couille. Mais je vous remercie, monsieur. Ça me fait plaisir que vous me dites ça. Ah, ne prends pas pour un guignol. Ah, ne me prends pas pour un guignol, toi. Bon, c'est pas tout ça, monsieur, hein, mais c'était très sympa. Bah, écoute, si tu veux des putes. Moi je t'en présente moi. Oui. Les prostituées, moi il n'y a pas de problème. Non mais ça vous va. Vous retenez, ce sera gratuit. Ah bah en plus vous êtes trop généreux monsieur. Mais ça va aller, hein. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Attention, hein. Oui. Ouais ouais, allez, bonne soirée à toi. Oui. Au revoir monsieur. Ouais, bonne soirée. Hein. Ah ouais, bonne soirée. Et n'abusez pas trop de la bouteille, hein. Ah oh, bah ça je m'en doute. Ouais, ouais. Ah bah ça va alors si vous vous en doutez. Bonne soirée à vous. Oui. Hey, pareil. Au revoir monsieur. Appelle-moi con toi aussi. D'accord. Et ben bonne soirée con. Allez. Hop. Hop. Allez, voilà. Ah, bah lui il était bien là. Hein. Oh là là, ce psychopathe. Lui il était pas mal. Il y a Mystique qui dit je me pisse dessus tellement il est con. Il y a Dylan, non, il était pas beau, il était pas con, il était bourré. Dylan qui dit ils sont complètement cons ces mecs, ils comprennent rien. Il y a Maël qui dit tu sauveras la vie de la planète en tuant Toff. Oh, c'est méchant. Il y a Mystique qui dit je déteste Julien Clerc. Oh putain, Julien Clerc. Et Laurent vous le dit. Ouais, Laurent vous le dit. Et il y a un mec qui dit ouais, putain, c'est marrant, il arrête pas de dire qu'il est pas pédé, mais il passe un mec. C'est vrai, et c'est vrai que c'est chelou. C'est bizarre, c'est bizarre. Alexis qui dit il est con le mec des appels de Toff. Il était un peu bourré. Bon, on en appellera d'autres tout à l'heure. Hein. Si avec vous avez plaisir. Des numéros, n'hésitez pas à vous les donner sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr. On est au cœur de 2h sans pub, donc vous balancez évidemment tous vos messages. On est à la cool ici, on est pépère. On va écouter également tout à l'heure le son de Calvin Harris avec Summer. Et puis on se mettra également le son de Iggy Azalea, tiens, avec Fancy. Voilà le son de Fancy sur Fan Radio. I'm in the best lane. On va se mettre bien, on va se mettre bien. Tu connais toi Fancy Cindy ou pas toi? Allô? Oui, oui Cindy. Oui. Tu connais le son de Fancy là que j'ai mis là, le petit extrait? Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ça va très bien. Ouais. Bah, si comme ça, moi, tu pourras l'écouter plus en détail, plus voilà, plus avec plus attention. Bon, comment tu vas, Cindy? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux. Alors, Cindy, t'as 21 ans, toi, et tu voulais réagir à cette grande enquête sur laquelle nous sommes tombés. Apparemment, 7 cm, ce serait la taille idéale pour le sexe d'un mec. Il y a Megumi qui dit, tu rajoutes un 2 devant, c'est parfait. Genre, je voudrais bien qu'il y ait un mec. En plus, elle est asiate, donc c'est fine, à mon avis, tu vois, machin, comme les asiatiques, en général, ils sont plutôt maigres. Aïe. Et bah, avec 27 cm... Il va lui éclater la... Grave, je pense que tu vas pouvoir vomir sa bite. Non mais c'est vrai. Appelons un chat. Il va l'empaler, il va pouvoir même la soulever avec sa bite comme ça, après s'emballer avec. Et après, il pourra faire brochette. Exactement. Ouais. Non mais tu t'as un peu emballé mes goumis là sur le Twitter. Bon du coup, alors qu'est-ce que t'en penses toi Cindy? Donc je disais 7 cm c'est la taille idéale. Au-dessus, apparemment, c'est trop, ça sert à rien. Et en dessous, c'est un peu ledge. Non, bah le principal c'est surtout le diamètre. Mais au niveau de la longueur, ça le diabète, le diamètre. Le diamètre. Non, j'ai plus de voix, excusez-moi. C'est pas grave. Ah oui, t'as quoi? T'es sorti. Elle a allé au métro, oh, hein. Tu viens de riche, toi. Je ne sors plus au métro, je suis plus de ce genre de sortie. Tu manges des gaufres au sucre? Non. Et tu prends le bus. Voilà, exactement. Oh, non, elle est à lui, il est pas à Liège. Ah. Bon, alors du oui, coup. Oui, mais j'ai le même accent, ça va. Oui, un petit peu, hein, on l'a bien remarqué. Oui. C'est pas très grave après. Hein. Monsieur Rien, ça arrive même au meilleur, t'inquiète. Bon, et donc du coup, alors revenons à nos moutons. Donc toi, c'est combien la taille idéale? Je vais dire entre 16 et 20, 21. D'accord, ok, ouais, très bien. Ok. C'est du moins. Tout dépend aussi de comment il s'en sert, c'est ça? Oui, non, bah, bien sûr, voilà, exactement. T'es déjà tombé, Sandro, sur des mecs qui avaient des toutes petites bites ou au contraire des très grosses bites? Non. C'était moyen, toi, Sandro. Mais attends, qu'est-ce que tu t'appelles? J'ai eu de tout, franchement. Attends, je demande à Sandro. Petite, moi, Cindy. J'appelle ça quand je sens rien. Ouais, mais d'accord, mais. C'est arrivé que je sente pas grand-chose. Genre, la taille de ton majeur. Je sais pas la taille, j'ai aucune. Elle a aucune notion des distances. Notion, ouais, de la taille, en fait. Bah, tu prends pas un mètre ruban, là? Non. Bon, alors, Roger, ici. Quel est le tour de ta bite? Oui, je crois que je peux voir. Eh ben, très bien, je peux venir, il n'y a pas de problème. Ah oui, je peux venir m'empaler dessus. Dans ce qu'on connaît. Et Cindy, c'est quoi ton record, toi, de grosseur et de... Largeur. Petite bite? En petite? Ouais. Oh, ben, je dirais 5 cm en hauteur et 2 cm en diamètre, que je suis déjà tombée dessus. Ouais, mais il était pas au taquet, là, il était au repos. Non. Au taquet. Putain, pour peu que le mec soit un peu poilu, on la voit pas. Hein. Ah ouais, c'est ça. Attends, bouge pas, je dégage les poils. C'est comme... Alors, juste... Attends, parce que 5 cm, attendez... C'est mon petit doigt, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, 5 cm. Bah, c'est ça, c'est ça, la taille de sa bite. De diamètre, quoi. C'est non, parce choquant. Que après, voilà, tu sais, c'est bon. Ça peut arriver qu'elle fasse 5 cm, mais au repos. Ouais, bah. Tu vois? Quand je suis tombée dessus, je pensais, puis bon, bah quand. Mais tu bandes pas? Quand même. Je suis au taquet. Je me dis que quand même, je crois que ça y est, quoi. Ah ouais, putain, voilà. C'est violent là. Bon, appelez-nous les filles, là, les autres, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, bah, merci beaucoup, Cindy. De rien. Je te fais des bisous, tu reviens quand tu veux. Ça va, pas de soucis, bisous, bonne soirée. A bientôt Cindy, ciao à toi et on embrasse tout le monde à marche en famelle. On va se faire également la réponse à la colle avec Edgar avec nous, là, t'es là Edgar? Ouais. Bon, on est un peu à la bourre avec le chéri, je peux te faire cocu là. On y va, c'est parti, on va donc appeler le gagnant ou la gagnante, celui qui aura donné la bonne réponse à la colle d'Edgar tout à l'heure, qui était la suivante: pour me respecter, il faut me donner, pour me donner, il faut m'avoir, qui suis-je? On appelle maintenant quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse, soit par SMS, soit via le Facebook, et si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si elle ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagnes, Edgar. Ouais. On y va, croisons les doigts, il y a la Wii Mini à gagner là, Edgar. Allô? Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Camille. Salut Camille, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, comment tu vas? Non, c'est pas vrai. Si, mais t'es sur Fun Radio. Oh là là, Camille. Mon Dieu. T'es dans quelle ville, dis-moi Camille? Ok, à Gap. Où ça? Gap. À Gap. Ah, à Gap, je crois, à Agathe. Mais on y était, pas loin. À Gap, oui, on était pas loin, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, ah ouais, alors Camille, t'as quel âge? 20 ans. 20 ans, très bien. 20 ans. Et tu as la réponse à la colle d'Edgar. Edgar, fais péter la colle, vas-y. Alors, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. La bite? Non. Non, Camille. La parole. La parole. Oui. Edgar. Oui, c'est ça. Et ben voilà. Eh ben voilà Camille, t'avais joué par SMS ou par Facebook? Par Facebook. Eh ben voilà. Eh ben voilà, eh ben voilà. Eh ben bravo à toi Camille. Tu préfères quoi? Tu préfères la Wii Mini ou le pack poker pour jouer un petit strip poker avec tes amis ou avec nous? On pourrait passer éventuellement à tout moment. Je préfère mieux la Wii. Mais eh ben comme tu veux. Mais je crois qu'il y a des jeux de poker sur la Wii. Hein. Ouais, après aussi, ouais, c'est vrai, c'est possible. Ouais, voilà. Je crois qu'elle a dit qu'on pouvait passer. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, combien mesures-tu, Camille? Ouais, bah attends. Je suis petite. Mais c'est pas grave. 1m56. Oh, la violence, la petitesse! Bon, ça va, 1m56. Ouais, mais c'est, on a dit hier que c'était parfait hein, comme taille. C'est vrai. Ouais. Combien pèses-tu, Camille? 52. Quel est ton tour de poitrine? Oh, 90. Et la lettre? C. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. On passe quand tu veux. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on mais Camille, snowboard, on va arriver en snowboard. Camille, bravo à toi en tout cas. Tu repars avec la Wii Mini, tu retournes au standard. Je te fais des gros bisous, Camille. Okay. À bientôt. Gros bisous. Salut, ciao. Salut. Edgar, bah écoute, bah bravo à toi quand même, hein. T'as tenté, t'as perdu, bon bah ça arrive au moins meilleur, la preuve. Ok, nickel. Bon bah salut hein. Est-ce que je peux faire une petite dédicace ou pas? Bah vas-y, profites-en, une seule personne, choisis la bonne. À moi et à Julien. Ok, message passé, pas de problème. Voilà. Salut à toi, bon, à bientôt. Bon, merci à vous, ciao. Ciao Edgar, tu reviens quand tu veux, pas de problème. Bon, allez. Non. Chauffons les mains là. Attends, mais fais-toi craquer les doigts et tout là, attends, c'est ouais, chaud là. Attends. Évidemment, mais n'écrète pas ces enculés de doigts. Bon. Bon, allez, on l'avait promis tout à l'heure là. Que le prince n'a déjà ouvert ses oreilles. Ouais, vous l'aviez demandé. Donc le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais plus fait. À l'époque où Work Beach était le single de Britney Spears qui passait non-stop. Du coup, on mettait tous les messages de bienvenue, on les mettait dedans. Je quoi. Dans ton cul, moi. Comme ça, par exemple. Ah, il marche pas le tête de bite, c'est dommage, je voulais l'utiliser. Bah, va te faire enculer, connard. Voilà, etc, etc. Donc, il y en avait plein. Et du coup, on met ça dans le son de Britney Spears qu'on va mettre maintenant, du coup. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Britney Spears, Work Beach, maintenant. Il est 00h55 sur Fun Radio. Passez une bonne nuit, tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est au cœur de 2h sans pub jusqu'à la fin de l'émission, tranquille. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Et il y a Britney Spears maintenant. C'est Work Beach sur Fun Radio. Bonne nuit, tout le monde. Allez, nique ta mère la pute. Voilà, terminons en beauté, hein, voilà. Oh, ouais, j'ai eu quelques petits rouillages à certains moments, mais bon, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus fait. Oh, bravo. Ah, et ben voilà, là. T'as pas de couilles. On s'est remis bien, là. On s'est remis bien. Ah, comme au début. Ouais. Voilà, pour ceux qui viennent de nous découvrir, c'est quelques conneries qu'on faisait avant. Qu'on refera de temps en temps si vous avez bien aimé. Tiens, Pauline qui dit c'est excellent, bien marrant. Floriane qui dit un bon petit remix, tu devrais nous en faire plus souvent. Bah oui, mais il faut le. Faut rendre facilement, en fait, dans Britney Spears. Non mais Britney, si tu nous écoutes, c'est pas ce que je voulais dire. Dans le morceau, Britney. Dans le morceau, voilà, c'est ça. Après, oui, tout nous, on s'est laissé dire des choses. Tout rentre bien dans le morceau de Britney Spears, voilà. Laura qui dit bravo, DJ Michel, trop bien la musique. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Franchement, remix, il est mieux que l'original, c'est Damien. Il y a Serge qui dit un bon mix de Work Beach. Nadia qui dit on peut le dire, Mickaël n'a pas perdu la main. Oh, un peu quand même, hein, mais bon. Voir, il s'est amélioré, trop bon le remix. Bah, c'est surtout grâce aux amis Toff aussi. Bah, évidemment, c'est eux les plus forts dans ce jeu. Ne serait rien, il y a Canvan de remix, Nadia Le Prince aussi, ça fait trop plaisir le petit remix, la Jordan aussi, Remix No Limit, avec le hashtag et Mickaël, Mister Steven qui dit comment ça fait plaisir le petit remix là, j'adore le remix avec les messages de bienvenue, j'ai surtout kiffé le ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta pas de couilles, attends je peux te le remettre si tu veux, avec plaisir, attends où est-ce qu'il est, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta pas de couilles, voilà il est là, il y a pas de problème hein, si tu veux, remettra de temps en temps, vous inquiétez pas là, Dylan qui dit tu m'as tué avec le petit remix, qu'est-ce qu'il y a aussi comme message là, Kim Jong-un, fils de putain va aller dédicace leur mix à Nadia qui est arrivée au bon moment. Oui, Nadia qui est fan des remix de l'époque. Et Virginie 66 qui dit aussi chanson dédiée à Nadia. Encore le fameux remix de Mickaël No Limit. C'était Eric qui avait envoyé le message. Bah vous avez bien kiffé. Bah promis si j'en ai. Parce que après évidemment, comme le diraient les plus grands DJ, hein, il faut avoir le. Il faut l'inspiration, faut le feeling. Voilà, faut le feeling, faut l'inspiration. Ah ouais. On ne fait pas ça avec n'importe quel titre. Ah ouais. Voilà, on ne fait pas ça avec n'importe quel titre. Donc si j'en ai, promis, je vous en ferai d'autres. Kim Jong-un qui dit à la remix de DJ Michel, c'est parti. DJ Mimi au platine avec Fred S34. Et puis tous vos messages, hein, il y en a eu plein qui sont arrivés là, putain. Pour ça, pour un remix, c'est bien, non mais c'est pas mal. Eh ben vous balancez vos messages, évidemment, n'hésitez pas, tiens. Et alors, mesdames et messieurs, tout vient à point, à qui sait attendre. Ouais. Et Dieu sait qu'à mon avis, là, ce soir, il va y avoir du lourd, du très très lourd. Oh. Mes amis. Oh, nous avons Jean-François avec nous. Oh. Salut Mike. Hey, comment ça va, JF? Salut, je suis en pleine forme. T'es en pleine forme? Bah dis-moi, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu là. Elle fait 18 cm. Quoi? Mon ex, elle a mesuré ma queue, elle fait 18 cm. Non, sérieux? Je peux atteindre les 19 vraiment en érection. Ah ouais? Comment ça, mais alors, quand t'es pas en érection, je comprends pas comment tu peux atteindre les. Comment tu peux atteindre les 19 cm. Ma copine, tellement qu'elle était grosse. Non. Tu la mets dans l'eau chaude? Ah oui, je lui ai fait mal. Ah t'es un tueur toi? Je suis un tueur. Ah bah c'est un tueur de chat. Hein. Bon écoute, alors pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs qui sont arrivés depuis une semaine, et pour ceux qui je nous connaissent. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas Jean-François, donc c'est Jean-François qui nous appelle de temps en temps. Et il a une meuf virtuelle qui s'appelle Crystal, et deux même avec ouais. Vanessa. Et Vanessa. Hein. Exactement. Et donc d'habitude on l'a une fois par semaine où il se fait plaisir à l'antenne, il est content, voilà, etc. Puis il va dormir. Tout content. Mais on t'a pas eu la non, semaine dernière. Ouais, on était inquiet, on a eu peur. Bah ouais, on t'a pas eu la semaine dernière, Jean-François. Tu sais qu'on a eu Crystal qui n'arrivait pas à te joindre, qui a dit ouais, mais il est où, Jean-François? Oui, mais il dormait, il travaille durement en ce moment. Mais t'es un tueur, toi. Ouais, travaille dur. Mais t'es un tueur. Je suis un tueur, Mickaël, je suis un tueur. Bon, très bien, bah écoute, ça tombe bien. Attends, parce qu'on a Crystal, évidemment, qui évidemment a appelé, hein, Jean-François, chienne. Évidemment. Crystal. Allô, Crystal. Oui, allô. Ah, allô, Crystal. Oh, je suis soulagé, hein, j'étais inquiète. Bah oui, mais il est là, Crystal. Ah, oui. Et tu sais que, Crystal, tu sais que Jean-François est un... Un tueur. Et j'aimerais bien qu'il me tue la chatte avec sa grosse bite. Bon là, je suis pas encore en érection, mais ça va venir. Ah mais oui, t'as dit. Bah oui, ouais. Je vais te faire monter mon cochon. Bah oui, tueur, Jean-François. Mais oui, calme-toi, voilà. Il y a pas de raison. Non, il y a pas de raison. Non, il y a pas de raison du tout. Ça vienne. De quoi? Mais je vais te faire venir. Je vais te faire venir plein mon visage. J'ai envie d'étaler ton sperme. Sur toi, sur tes seins. Oh oui, sur partout, sur mon visage, sur mes seins, dans ma chatte. Oh, tu m'excites. Oh, j'en veux partout, JF. Oh, mais si tu veux, je t'en donne. Oh oui, donne-moi. Tu veux pas que je te pénètre? Oh oui, pénètre-moi, violemment. Je te pénètre. Et mets-moi une petite fessée sur mes fesses, en passant. Attends, je te mets une fessée. Oh oui. Bouge pas, hein. Oh, je bouge pas. Bouge pas. Oh, je bouge pas. Oh oui. Oh. Une fessée. Oh là là. C'est une grosse fessée. Oh oui. Dans tes fesses. Oh, j'adore ça, j'adore ça. Mais crie ton nom. C'est le principe de la fessée. Passe-moi Vanessa un peu. Attends, parce qu'elle est pas encore là. Crie ton nom d'abord, pour la faire venir. Jean-François. Oh oui, plus fort. Jean-François. Oh, plus fort. Jean-François. Oh, plus fort. Vas-y. Ah, oh, tu m'excites, Crystal. Oh, mais toi aussi, comment mais crie ton nom, comment crie ton nom. Dis-moi comment t'es habillé. Tu veux savoir comment je suis habillée? Ah, ouais, ça y est, on a Vanessa au téléphone, Jean-François, là. Hein? Il y a Vanessa qui est dans le standard, elle arrive, là. Elle arrive. Ah oui, il fallait qu'elle... Il y a le renfort. Que les doigts aillent se coucher par contre, hein, petite annonce. Ah ouais, interdit au doux là. Donc ceux qui ont moins de 18 ans, vous coupez la radio, vous dégagez là. Ah ouais, hop là. Je veux plus vous entendre, je veux plus vous lire. Voilà, moins de 18 ans, on vire là, parce que on a Jean-François qui est un. Sous lapin. Non, un tueur. Un tueur, enfin, Jean-François, tueur. Tu suis rien. Mais oh là là. Mais oui, mais j'ai envie que tu me tues la chatte. Allô, Jean-François. Il y a Vanessa. Oui. C'est Vanessa. Bonjour, Vanessa. Dis donc, j'étais inquiète, hein. Plus jamais tu fais ça, hein. Bon, d'accord. On n'avait plus de nouvelles là, depuis une semaine. Tu sais qu'on a dû se toucher avec Crystal. Non, mais je fais la tête. J'étais obligée de brouter le minou. Ah, mais parce que. Tu sais que. Mais non. Tu sais qu'on a dû se toucher entre nous en pensant à toi. Ah oui, je lui ai brouté le minou, je lui ai crié JF, Jean-François à l'oreille. Oui, et du coup, c'est moi qui criais aussi, je faisais Jean-François. Oh là là. Jean-François. Et on a joué comme deux chiens. Oh, mes chéris, comment allez-vous, mes chéris? Oh, j'ai explosé. Comment t'habilles, toi, Vanessa? Je suis en string, là. Moi, je suis tout nu, je suis en train de me branler. Oh oui, fais-nous écouter ta bite. Mais crie ton nom en même temps. Attends. Vas-y. Oui. Descends le téléphone et crie ton nom. Je suis pas en érection encore, mais attends. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir, l'érection. Fais-nous entendre. Attends. Ah voilà, j'adore. Écris ton nom. T'as entendu? Crie ton nom. Oui, mais crie ton nom en même temps, ça nous excite. D'accord. Allez, on Jean-François. Attend. Jean-François. Jean-François. Ça pue. Oh, oh, c'est trop bon. Tu sais que je suis femme fontaine. Mais c'est oui. Ce que j'aime, c'est une femme qui porte des portes jartelles rouges. Ah oui, mais j'ai des portes jartelles rouges. Oui, moi, c'est rouge aussi. Toi aussi, Vanessa. Oui, bien sûr, c'est tout rouge. On est toutes rouges, toutes les deux. C'est rouge. Toutes les deux, là. C'est rouge, oui. Attention, c'est dégueulasse. C'est rouge, règle. Oh là là. Et ton rouge à lèvres, il est comment? Ah, il est rouge. Il est rouge aussi? Oui, tout est rouge. Tout est rouge. On dirait rouge. On dirait les mères Noël. Oh, mais excitez toutes les deux, là. Mais oui, mais c'est toi qui nous excite. Mais oui. Crie ton nom. Jean-François, crie ton nom, parce que là, on est chaude, mais pas encore assez bouillante. Jean-François. Non, continue encore. Plus fort. Qu'encore, ça nous rappelle la semaine dernière quand on s'est masturbé en pensant à toi et en criant ton nom très fort. On se broutait le minou. Oui. C'est vrai. Oh, et tu te rends compte qu'il y en a qui ont une queue de 7 cm alors que moi elle fait 20 cm en érection. 20 cm, c'est 20 énorme. 20 cm te ferait mal, ma pauvre. C'est la taille de l'iPad. Je veux les sentir au fond. Au fond de ta sape? Oui, complètement. Jusque... Et que ça frotte ton clitoris? Oh oui, que ça frotte de partout. Ma queue défonce la caisse. Mets-la bien au fond, tape au fond. Vas-y. Ah, je commence à être en érection. Ah, là, ça va, continue. Allez, branle-toi en criant ton nom bien fort. Jean-François. Encore, mais branle-toi en même temps, mon copain. Jean-François. Plus fort. Mets ton téléphone en bas. Mets ton téléphone en bas. Plus fort. Allez. Oh, ma chérie. Allez, fort. Continue. Ah, plus Vanessa. Fort, ça commence à couler sur la chaise. Vanessa, je vais t'embrasser. Oui, ah bah vas-y, je n'attends que ça. Depuis la semaine dernière. Tu veux que je te laisse le clito? Oui, les oui, tout. Oui, vas-y. Je te laisse le clito, allez. Continue. Je te la laisse. Vas-y. Oh. Ça va, Cota? Oh, c'est excellent. C'est les chutes du Niagara. Oh, j'en peux plus. Mais oui. Oh, oh là là. Jean-François, crie ton nom. Ah, tu jouis, là. Oh, oui, crie ton nom, Jean-François. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Ah, ça y est, je bande. Jean-François. Oh, je vais éjaculer. Déjà. Non, pas encore. Ah, pas ouais, continue. Vas-y, plus fort alors. Jean-François, Vanessa, parle-moi. Oui, là. Je suis là, vas-y, continue. Là. Mais je suis en train de me lécher moi-même. Oh oui, je me lécher des tons. Oui, complètement. Je vous prends toutes les deux, en même temps. Mais vas-y, en même temps. Plus fort, Jean-François. Allez, vas-y. Oh. Attends, tu laisses ta chatte. Attends. Oui, vas-y, continue. Et branle-toi, écris ton nom. Oui. Vas-y plus fort. Vas-y. Tu veux pas que je te pénètre? Défonce-moi la chatte. La mienne, c'est 20 cm en érection. 20 cm, c'est énorme. Mais écris ton nom. Jean-François. Encore. Et défonce-moi. Jouis, Vanessa, jouis. Oui, oh là là, c'est génial. Jouis, Vanessa. Vas-y, jouis. Tu m'excites. Oh, j'en peux plus. Oh, tu m'excites, Vanessa. Oh, j'en peux plus, Jean-François. Continue, tu vas me faire jouir. Je mouille comme une chienne. Ah mais je vais jouir là. Ah bah jouis, vas-y. C'est Vanessa qui me fait jouir, c'est Vanessa. Oui, ah bah regarde, elle est là. Jouis, Vanessa, imagine que tu es dans ta chatte. Mais tu es dans ma chatte. Ma grosse queue de 20 cm, 20 cm. Oh là là, oh j'en peux plus. 20 cm que dans une chatte. Oui, branle. Écris ton nom, putain. Toi, écris ton nom. Tu lèves bien fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Oh, je vais éjaculer, vous me faites jouir. Vas-y, plus fort. Au cristal. Oh, oh plus fort. Oh, Jean-François. Oui, attends, tu vas goûter ma queue. Vas-y, je dois ma queue. Je te fais goûter ma queue. Ah oui, fais-moi goûter ton jus. Jean-François. Mets-moi tout dans la bouche. Là, elle va faire 17, là. Oui, je m'en fous, mets-moi dans la queue, elle ne comprend plus. Gagnons 3 cm, vas-y, tire. Faut que je jouisse, faut que je jouisse. Vas-y. Vanessa a dit qu'elle jouit. Elle est là. Jouis, Vanessa. Attends, elle joue l'anglais. Vas-y, jouis. C'est ton tour. Vas-y, Vanessa, jouis. Jouis, là, vas-y, à toi. Jouis, vas-y, je te prends. Vas-y, oui. Vas-y. Et ma bite te casse plutôt. Mais je la sens, ta grosse bite. Vas-y, continue. Ma grosse queue, là. Oh, oui. Là, 20 cm, t'imagines à la chatte. Oui, je l'imagine. Mais crie ton nom, crie ton nom. Jean-François. Encore. Jean-François. Allez. Jean-François. Jean-François. Oui. Ah, oh oui. Oh, c'est bon, je vais jouir. Oh, allez. Ça y est, ça vient. Vas-y. Ça y est. Jouer en même temps que moi, Vanessa. Oui, oui, regarde, on est là. Ah, ça y est. Ça y est. Ah, j'ai joué. Oh, oh mon Dieu. Oh, j'ai joué comme une bête. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh, putain. Ouais bah voilà. Et que Jean-François a raccroché comme d'habitude hein. Ah bah il a fini, je rappelle que dès qu'il termine de se branler, hop, il raccroche, il va dormir hein. Il a raison. Normal. Il a raison. Bon, plein de messages sont arrivés hein. Il y a Devine qui je suis qui dit sur le Facebook: sacré phénomène ce Jean-François, le tueur des barres de rire. Pauline qui dit oh my god. Il y a Misty qui est plié. Alexis qui dit what the fuck Jean-François. JB sur Twitter qui est pété de rire. Il y a Humor qui dit aussi le mec se branle au téléphone, c'est quand même chaud. Timior Thomas qui dit trop drôle. Il y a Fred 34 qui dit j'en peux plus sérieux. Sabrina aussi, mort de rire avec ton clitoriste. Oui, le clitoriste. Il y a le clitoriste, ouais. Mamie Nova, oh là là, je suis mort de rire, heureusement, je suis déjà couché. Il y a Waves aussi, JF le tueur avec le top avec les 18 cm. Nadia aussi, ce soir, JF en mode killer. Dylan aussi, à la mort de rire, Jean-François. Donne ton nom, c'est un tueur, comme je vous dis. Et puis encore toujours Dylan qui dit mort de rire, Jean-François, avec ton nom. Là, il rappelle bien qu'il y a 20 cm dans la chatte. Évidemment, séquence qui était interdite au doux, évidemment. Bon, on va récupérer tout le monde. Il y a Maxime dans un instant qui voulait réagir par rapport à la taille des sexes là, avec le sujet de Toff bien entendu. Et puis on va s'écouter, alors j'avais promis le son de Calvin Harris, tiens on va se le mettre maintenant. Calvin Harris avec Summer. Allez, bonne nuit tout le monde, les doux, vous pouvez revenir hein, pas de problème, ça y est, vous pouvez rallumer la radio. On va faire les appels de Toff dans quelques minutes, vous toutes et vous tous, en direct. Il est 1h15, presque 1h15, 1h13. C'est Mickaël No Limit au cœur de 2h sans pub. On est là tranquille, pas de pub jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura Polo contre le reste du monde également dans un bon, dans 3/4 d'heure, on va dire ça comme ça. C'est Fun Radio, Mickaël No Limit, bienvenue. Je vous rappelle également que si vous nous écoutez pour la première fois, vous êtes sur Fun Radio, vous avez bien fait d'y rester. Et prévenez vos potes également, car je le rappelle également, si ce sont vos amis, si c'est de la famille, il est normal que vous ne laissiez pas un ami ou quelqu'un de la famille, c'est un peu comme la non-assistance à personne en danger, mais vous oui. ne la laissez pas écouter des émissions de merde. Si ça vous savez, si vous le savez pertinemment que cette personne écoute une émission pourrie, une émission pas drôle, une émission, voilà, pas drôle quoi. Oui. Eh ben, prévenez-les, il y a quelque chose qui est plus sympa, normalement en tout cas, qui est moins pire, on va dire ça comme ça, Emile, pour pas se la ramener sur Fun, ben prévenez-les, voilà, 20h, minuit, on est là le dimanche, 23h, 2h, on est là tous les soirs de la semaine, et ben voilà, on a grandi la communauté tous les soirs sur Fun Radio. Je compte sur vous, passez le message autour de vous, au bahut, au travail, un peu partout, sur Facebook et sur Twitter, sur Instagram également. On écoute Calvin Harris maintenant, c'est Summer sur Fun. Bonne nuit tout le monde. When I met you in the summer. Le son de Calvin Harris, c'est Summer sur Fun. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en liberté. On sait pas combien de temps, mais on est là. Il y a Nadia qui dit ça fait trop du bien de se détendre avec vous, sérieux. Bah, c'est gentil, Nadia. Cyril qui dit excellent JF, j'en pouvais plus. Je suis mort de rire, j'ai mal aux abdos là. Rire, c'est mieux que la muscu. C'est Benjamin qui avait envoyé le message. Il y a Christophe également, mort de rire. Tire dessus, tu vas gagner 3 cm. Attention, 19. Attends, c'est quoi? Que j'en ai une vraie. Érection, ah bah pas mal hein. Pauline qui dit c'est sûr j'aimerais pas voir JF en vrai. Et pourtant peut-être. Et pourtant il est super beau gosse. Peut-être que. Comment il m'avait manqué le petit Jean-François, c'est Mystique qui avait envoyé son message. Et Fred S34 qui dit oh oui le retour de JF c'est bon ça. Merde, JF est bien membré. Eh oui apparemment. Et Megumi qui voulait réagir aussi par rapport à ceux qu'elle détestait au niveau des chanteurs, chanteuses ou groupes. Je déteste Justin Bieber, Yannick Noah, Florent Pagny et tellement d'autres. Mickaël, et à tout moment Mickaël peut entrer dans la liste. Bah non mais Megumi, bien sûr je pourrais rentrer dans la liste, mais il faut que t'offres en d'abord. Bah oui c'est sûr. C'est normal, moi je veux bien rentrer, mais il faut quand même pas abuser non plus. Bon, il y a Maxime avec nous maintenant. Salut Maxime de Rennes. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, tranquille, et vous? Bon, il t'a excité ou pas JF? Non du tout, non, c'est pas mon trip. C'est bizarre, étonnant tiens. Jean-François. C'est bizarre, je comprends pas. Bon, bienvenue à toi Maxime en tout cas. Alors toi tu voulais réagir par rapport à... aussi de voir un message de bienvenue. Tu veux un message de bienvenue? Bah bien sûr. Alors, attends. Qu'est-ce que un violent ou un pépère? Ouais, le plus fou que t'as. Ah, le plus chaud que j'ai. Alors, non, le plus fou. Le plus fou. Alors j'ai celui-là, mais non, attends. Alors attends, je vais regarder là. Qu'est-ce que j'ai comme ah oui, il y avait celui-là qui, si mes souvenirs sont bons, n'était pas mal. Ouais, c'est ta mère, hein, je te fais bander, moi. Je vais t'inculer, je vais te montrer comment tu vas bander. Oh, grosse pute. Voilà, c'est ça. Sinon, il y avait celui-là aussi. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre puisse supporter. T'as compris, enculé? T'as compris, enculé. Le voilà. Deuxième, il est mieux. Le deuxième, il était pas mal. Hein, le deuxième, était pas mal. J'en ai d'autres après, mais j'en ai tellement que c'est parfois compliqué de choisir le mieux. Ah, j'ai celui-là, tiens. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé. Oh. Je te dirai, comme ça, t'as pas de ride au pédé que tu es. T'as compris? Je l'adore, celui-là. Ah, on rigole avec Arien, comme vous avez pu le remarquer si vous débarquez pour la première fois. Bon, alors Maxime, toi tu voulais réagir justement par rapport au thème de Toff ce soir, enfin au thème des appels de Toff, puisque on s'est rendu compte, enfin on est tombé sur un sondage plutôt, qui disait que le sexe des mecs, 7 cm c'était parfait. Au-delà, c'était trop gros, en dessous, c'était trop petit. Quel est ton avis Maxime par rapport à ça? Ah bah trop petit c'est pas suffisant et trop gros c'est trop gros et oui, très très belle analyse. Non mais c'est quoi ta taille, toi? Ma taille, 21. Ah ouais, quand même, toi, ah oui, t'es un cheval, alors... T'es bien membré, toi. Ah ouais, putain, un mec, un cheval. Quand on fait ma taille, généralement, ça fait fuir les prétendants. Attends, t'as dit combien? 21 cm. Ah, j'ai entendu 31, moi. Non, 21. Bon, c'est pas un cheval non plus. Alors attends, 21, ça fait combien une page à 4, encore, le petit côté? Le 19,6. Ah oui, putain, c'est plus grand que le petit côté de la page à 4. Ah oui, c'est balèze, hein, quand même. Hein. Attends, je regarde. C'est plus grand qu'un iPad. Ouais, bah c'est la taille, c'est un peu plus... Ouais, c'est la taille de l'écran, c'est un peu plus grand que l'écran. Non, c'est 21 une feuille, c'est 21. Balèze, hein. Ah, c'est 21 c'est 21 par 29. Ah bah d'accord, bah donc c'est la taille, putain, c'est la taille du... Bah, quand vous prenez une feuille à 4, le petit côté, bah c'est la taille de sa bite. Ah. C'est d'une violence quand même. Attends, là. Pour le vérifier par rapport à la sienne. Ouais. Et alors en termes de diamètre, on en est où là? Ah bah ça fait fuir. Non mais d'accord, mais en termes de diamètre, c'est large ou pas? Bah une canette de Red Bull, hein. Non, bah, quand je mets une capote, je suis compressé. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais après ça dépend, hein. Ouais, mais ça dépend parce que je prends les larges. Ah oh, oui, voilà. T'achètes ça en Chine, donc c'est comme c'est des petites bites. Ouais, c'est... en pharmacie. En pharmacie. Ouais, mais ça dépend après, t'en as des qui sont un peu plus serrés que d'autres, c'est vrai. T'achètes ça en Chine. Non, en pharmacie. <ils vont pas>. Bon, et t'es déjà tombé sur une meuf qui fait et une autre qui avait peur et qui n'a pas été plus loin? Bah carrément, ouais. Genre? Bah, c'est passé, quand qu'est-ce qu'il a dit? Bah, elle a pas voulu. Ah oui, carrément. Mais quoi, même pas une petite pipe? Ah non, du tout. Aussi une branlette. Ah bah, c'est déjà pas mais mal. Attends, mais quand t'as une bite de 21 cm, en fait, quand une meuf te suce, elle te suce le gland, quoi, c'est tout? Bah, non, mais tout généralement. Elle quoi? Mais pas tout. Ah oui, bah, ça, c'est, je confirme, ça... ça, c'est-à-dire quoi. Elle veut pas faire gorge profonde. Bah, hein. Déjà, il lui faut trois mains pour arriver à prendre toute la bite complète, hein. Ce qui donne absolu n'est pas pratique. Vu que j'ai une grande main, je m'en rends pas compte, mais souvent on me l'a dit, donc c'est pour ça que je réagis. Ah oui. Bah oui, forcément, c'est une grande main. Bah si tout est proportionné chez toi, au final, ça va. Bah, il faut que tout soit proportionné, quoi. C'est la ça. Meuf a pas de surprise, quoi. Bah, voilà. Si tout est grand, c'est grand aussi. Évidemment. Quoi. Bon, les filles, appelez-nous pour nous donner un avis, tiens, si vous aimez ou pas. Généralement, les filles se plaignent parce que ça leur fait mal. Ouais, aussi, ouais. Sans gros, toi, 7 cm, ça te paraît cohérent ou... Bah, ça te paraît petit, après... Petit? Bah ça, c'est quoi? On peut comparer attends. À quoi? Attends, je vais te mettre ma bite dans la bouche. Eh bah, 5 cm, c'est mon petit doigt, donc je dirais 7 cm, c'est mon majeur. Bon, je te fais un fuck, hein, désolé, mais comme ça, ça te donne une idée de à quoi ça ressemble, quoi. Ouais, je sais, j'écoute. ça me paraît juste, mais... Ça paraît juste. Bah attention, le majeur, là, il est un peu fin, là. Hein. On va dire le majeur et... Bon, les deux doigts en termes de largeur. Ouais. Bah moi je trouve ça un peu juste. Un peu juste, d'accord. Bon dites-nous les filles, est-ce que 7 cm pour vous, ça vous paraît cohérent ou ça vous paraît trop juste? En gros, appelez-nous. Voilà, c'est donc il y a tant qu'il a plié sa feuille à 4. Ah c'est mini pouce, hein, vraiment. Ouais, c'est mini pouce, c'est 7 cm. Ah ouais. 7 cm. Non, c'est petit, faut arrêter c'est de mentir aux gens. Ouais. Bon, on ment pas à nous, hein. c'est pas, les mecs qui ont fait une étude. Bon, bah oui. Arrêtez de mentir aux gens. Bah, c'est ça. Non. Bon, donc 01 42 48 5000, vous nous appelez les filles pour la Belgique. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Y a Félix qui veut qu'on lui arrange un coup avec monsieur 21 cm, Maxime. T'es gay ou t'es hétéro? Ah non, je suis pas gay. Ah non, bah désolé, Félix. Hein. Ou t'es bi? Ouais, ou tu peux être bille. Ah, non, plus, non. Justement, ça me plaît pas parce que j'ai beaucoup de propositions par rapport à ça. Et, t'es pas hétéro-curieux. J'ai rien contre les personnes comme ça, mais après, moi, c'est pas mon trip. Hein. Ouais, c'est pas ton trip, non, mais voilà, pas de problème. T'es pas hétéro-curieux non plus. Comment ça? Bah genre hétéro qui mais se questionne qui se questionne et qui bah essaierait bien pour essayer quoi de tu bouffer vois une bite. Non, je suis pas le genre de personne. D'accord. Moi, non mais y a pas de problème. Je suis hétéro, je sais ce que je veux et voilà. Bah y a des grosses chattes. Y a pas de souci. Mais bah, ça c'est j'aime brouter les minous toi. Et voilà mais c'est le principal. T'as raison. Arrête de te la raconter, la capote rentre sur une tête alors compressée laisse-moi rire. Non mais attends, mais si il a raison. Pour le coup, si tu mets une capote qui est pas adaptée à ta taille, même si tu peux la super élargir la capote, c'est vrai, si tu mets une capote qui n'est pas à ta taille, ça fait hyper mal. Avec une capote trop serrée, tu prends pas de plaisir. Voilà, exactement. Mais c'est parce que Maxime, il sait de quoi on parle. Toff, il sait pas parce que Je sais pas du tout. Mais normalement, justement, ça devrait te permettre de tenir hyper longtemps si t'es trop serré. Ouais, mais bon, moi, ça m'est arrivé une fois que la taille elle soit pas bonne. Putain, je peux te dire que c'était hyper serré, enfin hyper. Bah, c'est dangereux parce que ça peut péter. Non, je pense pas que ce soit dangereux parce que c'est l'anneau en fait qui serre. Donc du coup, moi je l'avais enlevé, j'avais la trace de l'anneau. Ah, c'est parce que vous avez des grosses bites mais pas longues. J'ai tout qui me compresse, hein. Tout qui me compresse. Hein. Ah oui, bah bien sûr, oui, ça doit être ça. Ouais. Bon, enfin, en même temps, savoir un cure-dent, ça a rien. Hein. C'est pas faux. Bah oui, c'est ça. Enfin, tu sais, un espèce de un pinceau. Mais moi c'est ça, les meufs elles m'ont toujours dit que la taille ça avait pas beaucoup d'importance mais c'est le diamètre qui comptait quoi. Non, l'utilisation qui importe. Bah après l'utilisation aussi, mais enfin le mec il a une bite de 2 cm, ouais, il peut l'utiliser du mieux qu'il peut, ça c'est les Chinois. En soi, c'est les Chinois. En soi, c'est pas tellement l'utilisation de la bite qui compte. Hein. Oui, après il y a la fille. Non mais c'est un tout dans l'absolu. Bah merci Maxime en tout cas d'avoir appelé, tu rappelles quand tu veux hein. D'accord, ça marche, y'a pas salut de problème. Salut Max, à bientôt. C'est marrant, je vous écoute tous les soirs, ciao. Ah bah c'est gentil Maxime, t'écoutes depuis longtemps ou pas? Non, ça fait une semaine là. Ah oui, mais une semaine seulement, d'accord, ok. Bah, écoute... Je tweet, de temps je tweet. Eh ben écoute, tant mieux. Bah écoute Maxime, sois le bienvenu alors Max. Hein, et puis, C'est marrant, vous me faites bien rigoler, y a des sujets pas mal. Surtout... Avec le Britney Spears? Oh bah je te remercie. Avec le Britney Spears? Ouais, si tu veux, mais ça... Eh ben non, mais je te parle de... Tu dis le DJ pas mal. Ouais, bah, aussi, ouais, y a des trucs vraiment pas mal. Ah oui, bah, morceau qu'on avait fait, ouais. Bah, écoute, mais merci beaucoup, Maxime. Puis tu reviens quand tu veux, pas de problème, t'es chez toi. Pas de problème, bonne soirée. Salut, Max, salut. Ciao à toi, à bientôt. Il y a Renaud également, qui appelle Dobna. Salut, Renaud. Ouais, salut, ça va? Ouais, salut, ça va et toi? Ça va. Bon, tranquille. Alors, Renaud, toi, tu voulais réagir aussi par rapport. Comme par hasard, on n'a pas de fille, hein, c'est bizarre. Ouais, qui, ouais on a eu Cindy. Ouais, on a eu Cindy tout à l'heure, c'est vrai. Donc, tu voulais réagir, toi, par rapport à ce sondage. Hein, 7 cm est donc la taille idéale pour le sexe d'un homme. En dessous, c'est trop petit. Au-dessus, c'est trop gros. Quel est ton avis? Le problème, c'est que c'est en largeur. Peut-être pas 7 cm, mais bien 5, quoi. 5 cm en largeur? Attends, toi, elle fait 5 cm de diamètre? À peu près. Non. Bah 5 cm de diamètre. Bah c'est un problème. C'est une belle bête hein. Ouais en fait mais ça fait vraiment peur aux meufs quoi. Bon ça dépend mais quelle taille elle fait en longueur. Parce que si elle fait 1 cm effectivement c'est bizarre. Hein. ça fait un babybel. La dernière fois que j'ai mesuré, je devais être en 6e. De quoi? La dernière fois que j'ai mesuré, je devais être en 6e, donc elle devait faire 19-20 cm. Bon, enfin, elle n'a pas grandi depuis. Hein. J'étais en 6e. Oui, ça va être ça, ouais. Bah oui, normalement, elle ne grandit plus si t'es en 6e. Ouais, voilà, mais ça fait peur aux meufs, quoi. Quand elles voient ça, elles font « waouh ». Bah 19 sur 5, oui, ça fait un tube. Hein, ah oui, c'est... Oui, voilà, ouais. Et donc, bah voilà, j'ai 32 ans. Ça arrive même au meilleur. Oui, mais maintenant, voilà, ça passe mieux, mais... Est-ce que la bite, c'est comme les mecs, enfin les hommes et les femmes en règle générale, est-ce qu'elle rapetissent avec l'âge? Ah, peut-être. Parce que l'humain rapetissent un peu, tu vois, avec l'âge, il perd quelques centimètres. Bon, il perd pas 10 non plus, mais... J'aimerais. Il en perd un peu. Toi, t'aimerais avoir une plus petite bite? Ouais, franchement, ouais, parce que je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, quoi, quand j'avais 17-18 ans, ça faisait vraiment peur aux meufs, quoi. Ouais. Bah c'est possible après, hein. C'est possible vu la taille. Elles voyaient ça, elles attrapaient ça dans le caleçon, elles disaient wow. Bah c'est surtout que effectivement si toi t'arrives en disant je vais te la mettre profondément, bah oui la fille a peur. Non mais il faut y aller gentiment, en douceur, etc. Ça de toute façon, ouais. Non mais ça c'est clair. Il y a Félix qui dit c'est courant des mecs de 5 à 6 cm de diamètre. Ah bah je sais pas, écoute, sincèrement je sais même pas combien fait chez moi. Toff, tu es en largeur? Non, j'ai jamais vu en largeur. Et Polo? Non plus. Non plus, non, non je sais pas, sincèrement j'en sais rien. Tout à l'heure vous disiez une canette de Red Bull, bah voilà quoi. Ah toi ça fait la canette de Red Bull alors, c'est ça? C'est, à peu près, c'est ouais. Archi gros Ouais, non, mais pas archi gros quoi, mais c'est voilà si, quoi. Canette de Red Bull, c'est hyper, c'est bah, énorme. Quand même, canette de Red Bull, c'est quand même balèze. Non, hein. Non, c'est un peu gros la canette de Red Bull, mais bon, un peu plus petit quoi. En diamètre, mais en longueur tout de suite, les meufs elles vont waouh. Ouais, bah je veux bien croire, hein, ça peut faire peur. Allez. Franchement, ça peut faire peur. Je préférerais avoir une petite bite quoi. Bon bah très bien, bah merci une Renaud en tout cas. Une petite bite quoi. Mais tu rappelles quand tu veux Renaud, hein. Ouais, allez, ciao. Salut Renaud, ciao à toi. Bon, alors, faut que je fasse une pause d'abord parce que nous avons enfin un avis féminin, mais calmons-nous. Ah oui. Patientons un peu. Tu veux pas qu'on appelle avant? On va d'abord mettre le son de Iggy Azalea là, avec Fancy, je l'ai promis depuis tout à l'heure. Et puis, puis on fera les appels avec Toff justement. Et puis, nous aurons Laura de Bruxelles. Attends, juste pour prendre un petit peu la température. Ça va, Laura? Ça va, et vous, ça va? Eh ben, très bien, Laura. T'es en forme? Ouais, une fois que je vous écoute, ça va. Eh bah très bien, bon tu vas donner ton avis par rapport au beat, tu restes avec nous Laura? Ok, ça va. Très bien, reste là, alors, ne bouge pas de là. Allez, on est au cœur de 2h sans pub sur Fun. Il y a Polo contre le reste du monde qui arrive, ouais. Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Et Iggy Azalea maintenant, c'est Fancy sur Fun, bonne nuit. First things first, I'm the realest, realest. Et le son de Iggy Azalea à l'instant sur Fun Radio, c'était Fancy. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. En direct avec Rock'n'Wolf qui dit un petit message d'encouragement pour mon examen de demain. Eh ben, si t'es encore là, 1h33 avec nous, là, avec l'examen de demain, je pense qu'on va se marrer. Ah, ouais. Mais j'en ai un petit, là. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà, c'est dans le canular de jeudi dernier, là. Megumi qui dit, écoutez les mecs, ils ont tous une trompe entre les jambes, mais la réalité est tout autre. Oh, c'est faux, moi j'ai toujours dit que la mienne n'était pas énorme. Hein. Ah ouais. Je l'ai toujours avoué, hein. J'ai pas de problème avec ça. Il y a Bibi Iggy aussi qui dit les douces, ça existe aussi ou il y a que des doux? Ah bah je sais pas, c'est Polo qui décide ça. Ah non, s'il accepte de la gente féminine dans l'armée, bien sûr, ou pas. Mais bien sûr, quand on dit doux, c'est tout, c'est un terme générique, c'est doux avec un grand D. Avec un grand D, d'accord. Oui, okay, vous êtes tous des doux, voilà. Femmes ou hommes. C'est comme les connards dans l'armée de Toff avec un grand C quoi. Avec un grand C comme voilà. Cul. Exactement. Steve aussi qui dit bah moi c'est la taille d'un tic tac. Qui veut se rafraîchir la laine? Et Dylan qui dit le gars c'est pas une bite qu'il a, c'est une baguette de pain à 5 cm de diamètre, il doit tout arracher le passage. Et Lucas qui dit j'examine demain matin, il faut que j'aille me coucher mais j'arrive pas, votre émission est vraiment énorme. Bah Lucas c'est gentil hein, sur Facebook, c'est gentil, mais t'inquiète pas, on arrête dans 25 minutes là. Dans voilà. 25 minutes tu peux aller dormir. Allez, je te mets un petit message de bienvenue pour la peine. Attends. Je te mets de la cible dans ton cul moi. Voilà, comme ça moi ça tu va l'encourager. Bah oui, ça va, je pense qu'effectivement ça risque de l'encourager. Oui, on fait les appels, on va prendre Claire également dans quelques minutes pour donner son avis par rapport à justement ce thème, ce grand thème, ce magnifique thème qui était les petites bites en l'occurrence, puisque c'était un sondage qui disait que 7 cm était la taille idéale pour le sexe masculin en dessous. C'est trop petit, au-dessus, c'est trop gros. Grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff tout au long de la soirée, eh bien on a pu appeler plein de gens. Sympathique. Exactement. Plus sympathique les uns que les autres. Complètement sympathique. Et si vous avez encore des numéros de téléphone de gens nerveux, des gens que vous n'aimez pas, des gens qui démarrent au quart de tour, on n'a pas besoin du nom, de l'adresse ni rien. On veut juste le numéro de téléphone, c'est tout. On ne dira pas qui nous l'a envoyé, évidemment. Eh bien, il suffit d'envoyer les numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On appelle? Allons-y. Allez, c'est parti. Et puis des gens debout jusqu'à 2h hein, pour bien faire. Enfin, en tout cas, tard, quoi. T'as l'air de tomber sur quelqu'un qui était bourrasse, complètement bourré. Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est qui? Oui, moi je m'appelle Toff monsieur. Toff? Oui, c'est moi monsieur. Ouais, et tu veux quoi? Bah en fait je voulais savoir si vous pensez que votre femme, elle trouverait ça normal une bite de 7 cm. Ouais, et si je te dis que si je t'en tape une dans ta bouche et tu fermes ta gueule, tu dis quoi? Je vois pas le rapport monsieur, enfin pourquoi vous me dites ça? Attends. Ouais, pourquoi une bite de 7 cm? Non, 7 monsieur, parce qu'il paraît que la taille d'une bite, la taille idéale d'une bite, ce serait 7 cm. Ouais, et si j'encule ta mère, tu me dis quoi aussi? Mais ça n'a aucun rapport monsieur. Ouais, ma couille, tu me dis quoi? Tu me dis 7 cm, gros. Tu t'es jeté, pourquoi tu m'as pas donné un appel masqué, gros, en plus? Bah, je vous appelle parce que en fait c'est bloqué dans mon téléphone, mais enfin ça c'est un autre problème. Moi je veux juste savoir si vous pensez que votre femme elle trouverait ça normal, enfin ça lui conviendrait une bite de 7 cm. Ouais, et bah écoute. Oui. Attends. Oui. Ouais, bah moi je vais te dire une chose. Dites-moi. Vous habitez où déjà ? Moi je suis à Paris, monsieur. Vous êtes à Paris ? Oui. Si je monte à Paris, je te mets une dérouille dans ta gueule, tu me dis quoi ? Et que ça n'a pas ça ne sert à rien, monsieur. Ah, moi je te la mets au pire là, 7 cm si tu veux. Ah, donc la vôtre fait 7 cm, donc ça lui convient. Ouais. D'accord, ben voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, monsieur. Ok. Hein, pourquoi tu m'appelles déjà ? Ben parce que je voulais savoir si à votre femme ça lui conviendrait 7 cm. Et comme vous me dites que oui, ben moi je suis content. Bon, ma couille, écoute. Oui, moi je vais te faire avec toi, gros. Oui, oui. C'est quoi, regarde bien, gros. Demain je monte à l'Orange. Ouais. Demain je monte à Orange. Il y a un cousin à moi, gros, qui travaille pour chez Orange. Oui. Ton numéro, je vais le sortir, espèce de petite bastringue. Mais je vous le donne si vous voulez mon numéro. Bah donne-moi le tout de suite, attends, je le note. Alors 01. Attends. 01 42 48 50. Ouais. 00. Ok. T'es sûr que c'est un vrai numéro ? Ah oui, c'est un vrai numéro, oui. Écoute bien. Oui. Une chose. Oui. Et ton adresse, je vais la trouver direct. Ah, je peux vous la donner si vous voulez. Mais par contre, je voulais pas couper le haut-parleur parce que ça fait un son dégueulasse. Ouais. Donc, écoute bien. Oui. L'adresse, adresse, même si tu me la donnes. Dans tous les cas, gros, tu peux me donner n'importe quelle adresse. Mais je vais vous donner la bonne. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Non, mais j'arrive à te l'avoir, ton adresse. Mais je vais vous la donner, monsieur. Vous faites pas chier. Non, il y a pas besoin. Il y a pas besoin d'adresse. Ah bon, au pire, donne-moi là ton adresse. Ah voilà, donc c'est 20 20 rue Bayard. Alors Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. B-A-Y-A-R-D. Voilà. Rue Bayard. Voilà, et c'est dans le 8e à Paris. Eh ben, écoute bien. Oui. Je vais te dire une chose. Oui. Moi, je suis de la communauté des gens du voyage. Oui. T'es bien d'accord ? Bah, vous faites... Écoute bien, moi, j'ai de la famille sur Paris. Oui. Tu vois ce que tu viens de me dire là au téléphone ? Oui. Oui, t'es d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord, ah oui. Bah, écoute bien, moi, c'est quoi, fin de semaine, je suis sur Paris, je dépose mon gosse, et sur la tête de ma mère, ton adresse, il va venir moi-même chez toi. D'accord. T'es d'accord avec moi ? Bah, je vous attends, monsieur. C'est quoi, moi, je vais te la mettre, ta dérouille, ma couille. Mais si tu me connais pas, gros, tu vas voir ce que c'est d'un voyageur devant ta gueule, espèce de bâtard. D'accord, monsieur. Bah, écoutez, ça me fait plaisir qu'on fasse connaissance. Oh. Ah ouais, en plus, ça, c'est... Ouais, à mon avis, parce que là, ouais, il me dit quoi ? Tu me dis, ça me fait plaisir de faire ta connaissance. Voilà, c'est ça, monsieur. Ah ouais, en plus, tu joues bonhomme au téléphone, en plus. Ben non, moi, ça me fait plaisir, monsieur. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, mais moi, à mon avis, la nouvelle personne, gros, je crois que je vais te serrer la main. Salut, mon pote, bah tiens, je vais à ma femme. Non ? D'accord. Eh ben écoutez, moi, je vous attends, monsieur, hein, et puis je vous préparerai un petit café, tout ça, quoi. Ouais, y a pas de problème. Comme ça, ton café, je te le claquerai dans la bouche. Ah bah non, monsieur, ça me gêne. Moi, je vous ferai un café avec amour et puis vous voulez le gaspiller. Ça se fait pas, monsieur. Ah, tu fous de ma gueule, en plus. Ah bah non, monsieur. Mais moi, je vous appelle gentiment et puis là, vous voulez jeter mon café. Ça se fait pas. Ouais, vas-y, nice. Pour quelqu'un qui veut du mal. Bah oui, mais par contre, il m'a pas dit s'il venait ou pas, là, du coup. Ah oui, merde. Bah oui, attends, on va le rappeler, du coup. Attends, bah oui. Seconde, c'est vrai. On prenne rendez-vous, quoi. Ah bah... Normal. Ouais. Oui, je m'excuse, mais alors, je vous attends ou je vous attends pas pour le café ? Ouais, je viendrai fin de semaine. Bon, fin de semaine. Ouais, mais plutôt jeudi ou plutôt vendredi ? Parce que vendredi, je suis pas là. Ouais, bah... C'est quoi, nique sa mère ? Moi, je viendrai quand même chez toi. Même si t'es pas là, je défonce ta porte, moi. D'accord. Bon, bah, ok. Bon, faites attention quand même, parce qu'elle est, elle est un peu lourde, la porte. Ouais, vas-y, joue le cake, et puis on verra après, d'accord ? D'accord. Eh ben, écoutez, si vous passez vendredi que je suis pas là, de toute façon, il y a toujours quelqu'un à la maison pour vous recevoir. Hein, okay. Donc, je préviendrai qu'on vous fasse un petit café. Ok. Allez. Y a pas de problème. Merci, monsieur. Hein, une bonne soirée, au revoir. Et à vendredi, hein ? Quoi ? Non, je disais, et à vendredi. Ouais. Voilà, au revoir. Ah ben voilà, ah ben, c'est parti. Hein. Eh ben on verra vendredi. Bon ben restez sur Fun Radio là du coup. Hein. On termine les deux heures sans pub et on remet le couvert dans quelques minutes là. Bougez pas sur Fun Radio. On est de retour avec Polo contre le reste du monde et on prendra comme promis aussi Laura, Claire et Sabrina que des filles cool. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est de retour dans 3 secondes là. Bougez pas de là. You're ready. Are you ready to party? Fun Radio. Radio vous envoie faire la fête avec les plus grands DJ de la planète. Dès que vous entendez le double fun avec deux tubes de Calvin Harris à la suite. Hi, this is Calvin Harris and you're listening to Fun Radio. Appelez Fun Radio. Et partez vous éclater en VIP. Let's go. À Port Barcarès pour l'Electro Beach Music Festival. C'est un truc de fou. Ça se gagne dans le double fun. On Fun Radio. Le son dance floor. 34 centimes par minute. Il fait nuit. Vous traversez la forêt à 90 à l'heure. Votre femme dort à côté de vous. Vous vous dites que limiter la traversée de ce lieu-dit à 70 est exagéré, alors vous ne ralentissez pas. Ce que vous oubliez, c'est qu'à cette vitesse, il vous faudra 24 mètres de plus, 24 mètres de trop, pour vous arrêter et éviter ce sanglier. À cause de cet oubli, votre femme ne se réveillera plus jamais. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables. C'est bien, on parle de sangliers, comme ça on est tranquille. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, on est de retour sur Fun Radio, 1h43. Il y a Vanessa qui dit extra. Merci pour les chouettes moments passés à l'antenne. Bah écoute, avec grand plaisir Vanessa. Un plaisir de vous entendre et bel homme en tout cas. Gros bisous. Merci Vanessa. Enfin, je sais pas si tu passes. Adressé à moi, peut-être qu'elle parlait de teuf. J'espère. Bah écoute, je sais pas Vanessa. Précise Vanessa sur le Facebook de l'émission là, on relira le message avec plaisir. Bon, il est 1h44 sur Fun, je vous l'ai promis, on s'écoute attends, Claire et Sabrina, vous êtes là les filles? Oui. Ça va les filles? Ça va et toi? Tranquille. Vous avez envie d'écouter un morceau en particulier ou pas là? Non. Pas spécialement. Non. Les Daft Punk, la dernière, j'aime bien. Les Daft Punk, la dernière, t'aimes bien. Attends, quel titre des Daft Punk? C'est quoi la dernière exactement? C'est ça le problème. Ah bravo. Alors attends, je regarde. Bon, sinon j'avais Pharrell Williams avec Marilyn Monroe. Mais attends. Bon, il y a Get Lucky, mais enfin il est plutôt l'off. Il y a Digital Love, bon, Around the World c'est loin. One More Time, Face to Face, Robert Rock. Je sais pas comment ça s'appelle la dernière là. Merde. Bah c'est celle qui est pas... Bah vous la mettez souvent pourtant. Attends, est-ce que c'est celle-là? Bah non, c'est pas Get Lucky, je suis con. Attends. Putain, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, ben voilà. Est-ce que c'est? Attends, merde, il faut que je la retrouve. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas ça. Non, c'est celle qui est passée à Marrakech Chérie 2013. Ah, bah attends, mais. C'est avec pas celle-là. Non, bah tant pis, mais celle que tu veux, c'est ah pas bah, grave. Je sais pas moi, tu veux absolument une petite étiquette précise. Tu veux absolument une Daft Punk ou tu t'en fous? Non. Bon bah très bien, alors on va mettre celle qui était prévue là, Marilyn Monroe, voilà. Là, Pharrell Williams, bah très bien. Alors on met celle-là et puis on revient juste après. Vous bougez pas les filles? Ok. Pas de soucis. Très bien, Laura également dans un instant, vous toutes et vous tous en direct pour le contrôle reste du monde à suivre. Et c'est parti, oula ça gueule chez Claire et Sabrina, ils sont en pleine forme, c'est bien. On va continuer à parler détails avec tous vos messages encore avec le hashtag et Mickaël. Continuez, on est là jusqu'à 2h. Prévenez vos potes, sortez les du lait, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Je compte sur vous. Prévenez vos potes sur Facebook, Twitter, au bahut, même au taf, c'est Pharrell Williams qu'on écoute maintenant sur Fun. This one goes out to all the lovers. Voilà Pharrell Williams à l'instant, Marilyn Monroe sur Fun Radio. Sabrina, c'est toi qui avais demandé le Daft Punk? Oui. Eh ben je l'ai trouvé, attends, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Ah ben non. Bon c'est ça ou pas? Non. Non t'es pas sérieux, c'est le dernier ça, Give Life Back to Music. Attends, moi je t'ai fier ouais. En plus là, écoute, peut-être que tu vas connaître après. Ça. C'est pas ça? Non. Ah putain t'es relou. Ouais c'est pas grave. Attends. Attends je remets au milieu. Ah c'est celui-là. Tu vois? Ah tu vois que c'est celui-là. Give life back to music. Bon bah très bien. Eh ben je le mettrai avant de partir, d'accord? Ah bah génial, merci. Eh ben avec plaisir, voilà. Hop là, comme ça au moins, putain j'ai mis. Et je voulais vous dire merci de me faire passer des bonnes soirées. Oh de rien Sabrina, avec parce plaisir. Que au travail, ça m'arrange. Tu fais quoi dans la vie? Moi je travaille à l'usine. Tu fais quoi? Je fais des pièces pour les voitures automobiles. D'accord. Et je travaille de nuit de 21h à 5h et dommage que vous faites pas ces horaires-là. Ah oui, bah 21h-5h, oui, mais ça fait un peu long quand même hein, pour le coup. Hein. Mais bon, on y pensera un de ces quatre, hein, pourquoi pas. Et Toff a des problèmes, bah, il est incontinent, donc on peut pas rester trop longtemps. Ouais. C'est 3 heures maximum, sinon il se pisse dessus. Voilà. Et voilà, malheureusement, on peut pas faire autrement. Bon, Sabrina, puisqu'on en parlait, on en râlera aussi dans quelques minutes. Quel est pour toi ton avis quand on entend ce sondage, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, qui dit que la taille idéale pour le sexe d'un mec, c'est 7 cm en dessous. C'est trop petit, au-dessus, c'est trop grand. Oh ben ça devait être un chirurgien esthétique qui a dit ça pour qu'on va aller, pour qu'on va aller voir. Ben je sais pas. Parce que 7 cm c'est pas possible. Moi j'ai eu un ex, il faisait 9 cm, il était parfait, mais j'ai pas pu rester avec. À cause de ça? Bah ouais, parce que je me suis dit au bout d'un moment je vais devoir le rendre cocu et tout. Non mais c'est. Oh là et pour ça il était parfait. Et après on dit que c'est les mecs, blablabla, bla, bla, tu vois. Mais non, mais. Mais ouais, mais bon, après, le sexe n'est pas. C'est pas tout dans le couple, mais il en fait quand même la moitié. Ah oui, bah la moitié je sais pas, mais en tout cas ça si fait. On peut pas se réconcilier sous l'oreiller. Voilà, exactement. Après tu peux te réconcilier même sans te disputer. Enfin en l'occurrence tu peux baiser sans te disputer et pour autant. Tu peux autant, surtout ne pas te disputer. Oh après aussi, ouais, oui, c'est vrai. Plus, c'est ouais. Non mais si on va là, on va là. Bon attends, on va demander à Claire également, qui est à Lyon, la Claire. Oui. Ça va? Ça va bien et vous? Bah oui, très bien. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de cette magnifique théorie, ce sondage, enfin pas sondage, cette étude qui disait que au-dessus de 7 cm c'est trop grand et en deçà c'est trop petit? 7 c'est vraiment trop petit. Ah, pour toi 7 c'est trop petit quand même. C'est marrant parce qu'il n'y a pas une seule personne qui est d'accord avec ce sondage. Bah, c'est moi, dingue quand même. Mon copain ça fait quand même 19 cm alors. Oui mais c'est un cheval, c'est pas pareil. Mais, bah non, quand même. Bah attends, 19 cm, c'est quand même balèze, hein. Ah bah ouais, mais c'est ça qui est bien. Bah je sais pas, tu sais qu'on en a souvent parlé, hein. Bon, pas qu'on ne pense qu'à ça, mais on en a souvent parlé. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On en a souvent parlé et pour le coup, on en a même parlé avec le doc et tout. Il y a un moment, quand c'est trop grand, si tu veux, et même avec d'autres filles, hein, parce qu'on en a pas parlé qu'entre nous, évidemment, qui disaient que trop grand, c'était pas bon non plus, parce qu'au final, ça fait mal. Parce que tu vois, si y a plein de positions comme... comment on appelle la position où la fille est dessus? L'Amazon. Tu vois, t'as des positions comme ça que les filles peuvent pas faire quand le mec a une trop grande bite, parce que, tu sais, la meuf... Enfin, ce qui est bien, c'est quand la fille s'installe et s'empale, entre guillemets, sur le mec, mais si c'est trop grand, si tu veux, ça fait mal. Ouais, mais 19, ça fait pas mal. Et ça sert à rien, surtout, en fait, d'aller aussi loin, dans le forage. Ouais, effectivement. C'est bien pour faire des puits de pétrole, 19 cm. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et pour baiser, il suffit juste d'avoir 10 cm. Pour péter les trottoirs, quoi, mais tu vois, marteau-piqueur, voilà, ça c'est pratique. Et parce que tout se passe dans le début de la chatte. Hein. D'où, effectivement, à partir de 6-7 cm. Tout peut fonctionner. Après, c'est que pour la gueule. En fait, c'est un peu comme les voitures. Exactement. C'est-à-dire qu'une voiture qui a 100 chevaux, eh ben c'est parfait, ça va très bien. 250 chevaux, c'est bien. Ouais. Mais c'est pour la gueule, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est dangereux. Et oui, c'est vrai. Tu sais pas t'en servir. Exactement. Ah. Mais c'est pareil pour la bite des mecs. Exactement. Ouais. Tout à fait. Bon, enfin, toi, si après Claire, t'es contente avec 19 cm, il y a pas de problème. Tant mieux pour ton mec. Bah oui, non, mais c'est ça. Tant mieux pour ton mec dans l'absolu. On va quand même demander l'avis de Laura qui est avec nous. Bah si j'avais promis. Laura, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Ça va? Bonsoir. Ça va. Bon, tant mieux. Pour les aspirines avant ou après? Après. Alors, Laura, toi, c'est quoi ton avis, toi, par rapport à Sabrina, Claire et par rapport au sondage global? Alors, trop grand, ça fait mal. Dur. Et trop petit, j'aime pas. Ah bon? Ah bon, donc tu baisses pas, quoi? Non, j'ai... Non, mais pourquoi? Mais, à la vérité, on peut pas ça avec les centimètres. Ouais, mais moi, je suis pas trop d'accord avec toi. On peut pas ça avec les centimètres. Ah bon? C'est la taille du mât. C'est la taille du mât? Non, de la main. Ah, la taille de la main. Ouais, il faut que la bite ait la taille de ta main. Non, la taille du mec. J'ai rien compris. Il faut... C'est le problème. Il faut que quoi? Quand tu vois... la bite de l'homme, elle est grande. Ouais. Elle a une taille de la main d'un homme. La taille de la main d'un homme. Ah oui, c'est vrai qu'alors... Effectivement, il y a une théorie qui dit que normalement la taille de la bite d'un mec équivaut à la taille de sa main du début, de la fin du poignet, voilà. Si vous voulez, à l'extrémité du majeur. Voilà. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que la mienne ferait 200 mètres. Non. La mienne devrait faire grosso modo. 19-20 cm. J'annonce, c'est faux. Ah oui, c'est bizarre. Mais apparemment, c'est des proportions du corps. Et tu sais que à ton pied, il est la même mesure que l'avant-bras. Tu peux faire possible. Le test. Ah non, mais c'est un jour, un mec m'a dit ça, je croyais pas. Et en fait, tu le mets ton pied. Et ouf, jamais il fait cette taille-là. Ah si, si, si. Mets ton pied. Mais si, mets ton pied dessus, tu vas voir. C'est forcé. C'est, ah ouais. C'est des. Mais oui, c'est de la. C'est quoi ce pied? Mais tu vois ce que je t'avais dit? C'est trop grand, c'est la moi, symétrie je du corps. Tu c'est comme ça. Plus petit. Mais oui, mais c'est trop grand. Et alors, paraît... je vais essayer, j'en remets. Et... ah ouais? Ouais, je te dis, tu mets tout le monde. Chacun son ah, propre. Ah, c'est marrant, ouais. Chacun a la. Donc j'aurais pied. Quand même une bite de 19 cm alors. Bah, apparemment, oui. Je vous aurais menti. Bah, attends, aurait... tu sais combien elle mesure, toi? De quoi, ta bite? Non, la tienne. J'en ai tiré tous les. Non, mais la tienne, tu sais combien elle mesure? Ouais, 18. Bon, et ça marche ou pas la théorie de la main? Avec les doigts. J'en sais rien, je sais pas, ça fait combien ça? Bah, ça fait. Bah, regarde, mets ta. Non, c'est on ça. On a juste ça. Un mètre ruban. C'est ça dans qui le bureau, ah, bah, je vais chercher le mètre ruban. Mais non, mais on s'en branle, tu mets la feuille, ça fait 20, 21, là, tu diminues un petit peu, on va pas se faire chier. Ah ouais, si, ouais. Attends. Ah ouais. On est même presque à 20. Hein. On est oui, enfin t'emballe pas. Et Polo, ça fait combien toi du coup grosso modo en comparant avec l'affiche avec la feuille de une feuille A4, enfin le code de petit codé. Combien ça 21, c'est 21, 21 la longueur. 19. Bah on a tous une bite de 19 comme par ouais. Hasard. Mais c'est je sais pour rien. Ouais c'est, non, c'est mais j'ai mesure. Pas dit mais il faut une vraie mesure. Putain, demain on a rendez-vous avec les boss de la radio, je vais regarder leurs mains. Jérôme a des grandes mains. Jérôme qui est le big boss de la radio, donc sous-entendu, il serait bien équipé, hein, ce serait pas mal. On va voir avec le sous-chef. Ah, non, c'est dommage, le sous-chef n'est pas là, il est en vacances. Il a des petits comme doigts d'habitude, lui. Mais lui, à mon avis, il doit avoir une petite. Ouais, une mais petite ouais, saucisse, il a. Je pense, ouais. Tout petit. Ouais, j'imagine. Bah, et je vais vérifier demain. Je vous dirai à 23h quand on commencera l'émission si j'ai remarqué quelque chose de grand ou de petit. Car bon, sachez que le corps humain est plein de surprises. En fait, non, mais en fait, on est quasiment parfait. Enfin, tout est. Enfin, sauf toi. C'est l'exception qui confirme la règle. J'ai peur. C'est structuré et tout est en rapport avec le nombre d'or. Hein, peut-être. Mais, ouais. Et en fait, on a essayé tous avec le pied. C'est une. Ah, une il y a Kim Jong-un qui dit énorme, mon avant-bras, ça marche, c'est ouf. Bah oui, il y a DJ Gizmo aussi. Mes cousins vous découvrent, ils vous adorent. Continuez comme ça, l'équipe. Merci, DJ Gizmo. Merci pour la promo également, là. Et puis, bah, salut aux cousins qui viennent de débarquer. Salut à vous, les mecs. Et puis, salut à tous les autres qui viennent de débarquer, là. Donc, putain, c'est ouf. Essaye un peu Sandro pour voir si l'avant-bras il équivaut à la taille de ton pied. Vas-y. Attends, essaye. Bon, allez, plus attends, ou moins. Vas-y, penche-toi là qu'on voit ton gros. Vas-y. Vas-y. Oh, putain. Ah ouais, ça marche. Ouais, ça marche hein. Avec la chaussure en pile poil. Ouais, gros. Ouais, bon, voilà. Mais même sans la chaussure. Grosso modo. Ah ouais. C'est ouf, hein. Ah, et comme des cons, on quoi, le fait tous. Hein. De... Il y a un dessin là qui parle de toutes ces symétries du corps. C'est ouais, ça, c'est le Léonard de Vinci, mais ça n'a rien à voir. Oui, si, c'est le nombre d'or. Mais il faudrait quand même essayer avec le taille de la bite parce que ça me paraît quand même assez grand quand même. Après, il faut savoir. Mais moi, je pense que c'est pas en tout. Parce que normalement, la bite, alors elle se mesure ici, à la base de l'os, devant. Et pas derrière. Parce que si tu prends derrière, là, ouais, moi si tu prends des couilles, moi elle fait 23 cm. Ouais, voilà, c'est 25 cm. Ah, mais oui, centimètres. Mais bien sûr qu'il faut la mesurer. En fait, il faut la mesurer à la base. Exactement. Donc laisser les couilles à l'arrière. Exactement. C'est énorme. Non, mais oui, mais c'est normal. Non, mais parce que souvent, si tu la prends par là, par les couilles, en fait, t'as un truc monstrueux, c'est 25 cm. Ah, bah oui. Cm. Non, mais à ce moment-là, oui, bien sûr. Tu la racontes. Ah, bah là, tu peux faire à l'assaut, tu fais les cow-boys et tout ça, c'est parti. Ah oui, évidemment. Bah bon. C'est ça, moi c'était l'époque où on m'appelait l'éléphant, mais après j'ai repris de l'autre côté. C'est parce que t'as une gueule de merde. Oui, c'est ça, c'est avec un grand nez. C'est pour ça, c'est la trompe. Mais il paraît que c'est proportionnel aussi. Mais bon, ah bon, bah écoute, à voir. C'est le nombre d'or. Bon, bah Laura, Claire et Sabrina, bah merci beaucoup les filles. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Merci d'avoir appelé. Hein. Je peux poser une petite dédicace à mes collègues de travail qui vous écoutent. Eh bah, c'est fait. Alors à mon chef, à Eric qui vous écoute tous les soirs avec moi. À ton chef? À mon chef. Ah c'est d'accord, ok. Mon chef, comme mes seufs. Mon chef. Ah, c'est. Mon chef. Mon chef, c'est comme mon cul. D'accord, ok, très bien. Bah, comme ça, moi, le message est passé. Dis à ton chef qui nous envoie un petit truc de voiture, là. Une pièce de voiture. Ouais, mais vous faites pour quoi mettre comme dans le bureau. Vous faites quoi comme pièce de voiture? On fait des pièces pour les directions assistées. Eh ben, envoyez-nous une direction assistée et des soupapes et un arbre à camantès. Un arbre à camantès. La voiture carrément montée pendant que vous y êtes. Eh ben, on n'osait pas te demander, mais puis ça, tu proposes. Voilà, puisque t'insistes, avec plaisir. Gros bisous, Sabrina. Bon, bonne fin de soirée. Bah, merci beaucoup, à bientôt, ciao à toi. Et puis, on va se faire Polo contre le reste du monde, il est déjà 2h du mat. Il y a Anthony, du coup, bon, on n'aura pas le temps de parler avec toi, mais c'est pas grave, on va quand même te reprendre demain. Anthony qui a 22 ans, qui habite à Lorient. Salut Anthony. Ouais, salut nickel. Ouais, salut à toi, ça va? Ouais, la forme. Bah, ça n'a pas l'air hein, comme ça, la première écoute, là, c'est ça respire pas la forme, quoi. Mais bon, Alors, Anthony, on va parler de quoi demain avec toi? T'es dispo demain, hein, 23h ou pas? Ouais, bon, très bien. On parlera de quoi demain avec toi, alors? Bah écoute, ça fait quelques ans que t'es avec ma copine. Ouais. Et comme à Lorient, bah écoute, avec la distance, ça l'a pas fait. Donc elle m'a quitté il y a deux jours et puis je suis mal, quoi. D'accord, ok. Je voulais avoir des conseils, savoir comment très faire bien. Pour récupérer, quoi. Bon, bah écoute, on va en parler demain, si tu veux. Y a pas de problème, à 23h, on t'appelle, tu passeras avec nous, d'accord? Ouais, y a pas de soucis. Bon, bah on fait comme ça, alors, c'est impeccable. Allez, bonne soirée. Allez, bah bonne soirée à toi aussi, du coup. À demain, Anthony. À demain. Ciao à toi. Bon, et puis on va se faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Je l'ai promis à Sabrina, puisqu'elle l'avait demandé. Hop là, le nouveau son des Daft Punk. Give life back to music sur Fun Radio. Il est 2h du mat. On va se faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et puis on va se faire également le top tweetos sur Fun Radio. 2h du mat. Bonne nuit tout le monde. Mickaël No Limit. On est en direct. Voilà Sabrina qui l'avait demandé, le son de Daft Punk, le nouveau, la Give Life Back to Music sur Fun Radio, il est 2h04. Il y a Megumi qui avait envoyé un message et qui dit: moi j'ai fait le coup de l'avant-bras, ça marche. Mickaël, et pour les mecs, il paraît que la taille du pouce x 3, ça donne la taille exacte du sexe. La taille du pouce x 3. Alors attends. Taille du pouce x 3. Attends. Alors attends. Taille du pouce, je fais une fois, deux fois. Trois fois. Ouais, j'aurai de nouveau une bite de 18-19 cm et je confirme que ce n'est pas le cas. Donc, visiblement, ça ne marche pas, à moins qu'elle ait grandi depuis la dernière fois. Faudrait que je remesure. Je reprendrai les mètres ruban. On essaiera. Allez, polo contre le reste du monde maintenant. Polo against the rest of the world. Et bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. On commence juste avec la petite bite. La petite bite. Welcome. On t'écoute. Voilà, je t'appelais Polo parce qu'en fait, je voulais savoir si c'était possible que tu me trouves une grosse chatte. Bah écoute, on peut faire l'annonce, vas-y, passe une annonce. Combien mesures-tu? Mais alors, bah moi je dois faire à peu près 4 ou 5 cm. Combien pèses-tu? Bah pas grand-chose, quelques grammes. Quelle est la taille de la dernière capote que tu as achetée? XXS. Eh bien, que c'est pas mal, bah écoute, l'annonce est passée, on attend que d'avoir des réponses. Jean-Jacques Dulac. Oui, Polo. Ouais. Ici la voix. Pas lentement. On t'entend mal, Jean-Jacques Dulac, on t'entend mal. Domino's Pizza. Oui, bonsoir. On a le livreur qui est juste en bas, mais depuis 23h, il sonne et personne vient lui ouvrir. D'accord. Et qui suit les pizzas sont froides maintenant. J'ai pas commandé de pizza. Mais vous avez commandé 5 pizzas. Non, pas du tout. Par contre, pour le temps, on a eu un problème. On n'a pas mis de temps. Donc, on vous a envoyé la secrétaire. C'est d'accord, on s'en fout, Domino's. Dylan. Oui. Bonjour, Polo. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien. Arrête de faire le guignol. Parle normalement. J'ai 7 ans. Bon, allez, dégage d'ici. La petite bite, le retour. Ouais, non, par contre, je voulais dire, j'avais un gros jet. Ouais. Hein, et puis, non, parce que j'aime bien les grosses sopes, parce que j'aime bien les grands espaces. D'accord, merci, la petite bite. Jean-Jacques. Oui, ici la voix. On t'entend pas, Jean-Jacques. On ne t'entend pas. Allô? Allô? T'es idiot ou tu le fais exprès? Peut-être. Bon. Domino's Pizza, le retour. Oui, on a eu des pizzas, là, on a envoyé la secrétaire. Et alors? Et vous pourriez pas lui ouvrir à ce pauvre petit livreur? Non. Mais il va finir par se suicider. Oh. C'est pas grave, son problème. Bon, bah, je sais pas quoi lui dire. Alors, bah, lui, j'ai rien, alors, c'est mieux. Dylan, le retour. Oui, pourquoi t'as tu encore pris? Bon, et Dylan, conclusion. Conclusion, Dylan. Pourquoi tu ouvres pas? Allez, casse-toi d'ici, tu m'as saoulé. La petite bite, le retour. Ouais, alors tu m'as trouvé quelque chose? Pas encore, on enquête, grosse chatte. Ah ouais. Comment tu la veux, ta grosse chatte? Ouais, je la veux bien rasée, hein. Moi je la veux la boule à zéro, hein. D'accord, ok, bah écoute, la demande est passée. Jean-Jacques Dulac, le retour. Polo, es-tu capable de t'asseoir sur un chauve? Ouais, bien sûr, ouais, je suis capable. Ah bon? Ouais. Et sur top, es-tu capable? Je suis capable. Capable. Ouais. Donc tu me dis que tu peux t'asseoir. Allez, hop là, Domino's. Conclusion, allez, on va s'en aller. Bon, vous avez pas cherché les pizzas, vous savez non. Quoi non, ouais. Allez, nique ta mère la pute. Ton PD, ton PD que tu y es. Allez, nique ta mère la pute. On va t'enculer, gros bâtard. Bon, et Domino's. Moi, je vais baiser ta mère, non? Tu aimes le sperme? Bon, et Domino's. En fait, on est pas en train de faire une guéguerre de son. Allez, casse-toi d'ici. Allez, Jean-Jacques Dulac. Conclusion. Oui, avec les îles au chat, là, de Mickaël. Allez, dégage d'ici. La petite bite, conclusion. Ouais, non, je voulais dire un dernier truc. Je la veux bien où il est, hein, la grosse chatte. Parce que faut que ça glisse à l'intérieur. Ok, merci. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça fait plaisir. Exactement. Bon, tout seul, mais... premier. Ça fait plaisir. Et c'est le principal, exactement. Bon, 2h08 sur Fun Radio, là, on va se faire le top tweetos dans quelques minutes. On va savoir enfin qui est numéro 1, qui a terminé numéro 1. J'ai vu le boss, merde, Kim Jong-un là, qui disait là, putain, est-ce que je vais être numéro 1 ou pas là, 150 tweets j'ai fait ce soir. Ouais. Ah bah ouais, mais bon, après, il faut voir. Hein. Et faites attention parce que si vous faites trop de tweets, vous pouvez aussi être bloqué par Twitter pendant une heure, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il faut faire attention. Bon, alors, numéro 5 actuellement, qui est-ce? On t'entend mal, Tof, sans casque, ça, sans micro, ça marche pas. Une bonne question. Bon, bah, regarde. Bah, une seconde. Bon, bah, très bien. Voilà, alors. C'est bon, je suis prêt. Alors, on y va. Quel numéro 5 Mystique. Numéro 4. Le Bosniakov. Numéro 3. Nadia Le Prince. Numéro 2. Eh, c'est bien parce qu'elle est arrivée quand même bien à la bourre. Hein. Nadia Le Prince, elle a quand même fini 3ème. Numéro 2. Fred S34. Et numéro 1. Virginie 66. Oh, Kim Jong-un, la honte. Il est même pas dans le top 5. Il est même pas dans le top 10, je crois. Oh, t'es vraiment un dictateur en bois, mec. Oh, putain, la honte. Comme le vrai. Avec sa coupe de merde là. Oh bah Kim Jong-un, alors là vraiment nul de chez nul. Ah, voilà. Tout juste, il est 10ème. Ah 10ème, oh la honte. Bon, Alexis il a fait 30 tweets, alors autant vous dire que lui il est pas très très haut à mon avis dans le classement là. Mais enfin bon. Bon, ah bah du coup, alors qui a gagné le coup, je sais plus maintenant. Faut qu'on regarde ce que faut. Bon, parce que je rappelle évidemment que si vous avez déjà gagné il y a peu de temps, bah évidemment faut laisser la place aux autres. Hein. Donc on va voir qui a gagné ce magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien évidemment. Allez, c'est parti pour le générique. Ouais, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Suce des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Et moi je vais baiser ta mère, non, fils de putain là. Bah va te faire enculer, connard. T'as pas de couilles, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles. Allez, nique ta mère la puce. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de couilles. Pique-moi de la cible dans ton cul. Quel cochon. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Fils de putain là. Bah va te faire enculer, connard. Allez, nique ta mère la puce. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. T'as pas de couilles. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé, d'un enculé. Pardon, donc c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, une de terminée. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux ce soir. Encore une fois, vous avez été hyper nombreux. Il y avait Christophe qui était connecté ce soir. Là, il y avait Fred S34. Fini deuxième, Fred S34. Bravo à toi. Kim Jong-un qui dit savoir que je suis dixième, c'est déjà ça. Et faites gaffe, j'ai la bombe nucléaire. Ouais, mais il faut finir un peu mieux que dixième là, Kim Jong-un. Là, tu m'as un peu déçu là quand même. Hein. Mister Steven aussi qui était connecté. Il y avait Alexis, il y avait Devers45 GTR. Il y avait qui aussi Megumi. Bien évidemment, qui était là, Mystique, Nadia également. Il y avait qui également là, Mystique, je l'avais déjà dit, autant pour moi, qui est terminé, je ne sais plus combien, je ne sais plus quantième, je ne sais plus, etc., etc. Bref, vous avez tous été là, bah, c'est cool, merci beaucoup en tout cas d'avoir tweeté autant, d'avoir participé à l'émission autant via le standard évidemment, qu'on remettra, qu'on rallumera demain à partir de 23h. Ah, mais parce que là, c'est fini, hein, c'est fermé, elle est partie déjà. Hein. Ah, bah ouais, là, Sandro est déjà sur l'iPhone, là, et les pépères. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Sandro qui va dormir là? Ouais. Ah bah ouais, seul? Seul, ouais. Ah ouais, bah ouais. Ou avec Tof? Non, seul. Sur un malentendu? Je vais la faire boire un peu et puis on va. Ah bah sur un moment de faiblesse. On sait jamais. On sait jamais. Ah bah, oh bah très bien. Non. Putain, il a sa soirée là, c'est bon là. Mais je suis pas en moment de faiblesse ce soir. Ah bon, d'accord, ok. Merde. Bon, Polo qui va aller faire la fête dans un café toute la nuit, hein, grave. Boire. Ouais, bah voilà, bah pépère. Ouais. Et puis Tof qui va au putain, au Bologne. Moi je vais aller dormir, ça faut que. Faut, menteur, faut, va, tu vois. J'arrive à dormir le plus vite possible, genre. Pourquoi? Parce qu'il y a les mecs qui débarquent à 8h pour les travaux. Donc. Ah oui, bah chez moi aussi, c'est une danasse. Oh là là, quelle angoisse. Sauf quand il pleut. Ah non, mais demain ils annoncent du temps de merde et quand ils font du temps de merde, normalement ouais, ils s'arrêtent. Ce matin il pleuvait, c'est pas pour ça que ça les a, ah pas, ouais. Ça les a pas empêchés de me défoncer le mur à la perceuse. Hein. Ah ouais, bah ouais, mais bon, c'est normal, c'est l'intérieur. Bah tu mets des boules caisses. Bon, bah bonne nuit en tout cas, bon courage demain si vous travaillez ou si vous prenez les cours, si vous avez des examens également, etc. etc. Rencard demain à partir de 23h. Merci d'avoir été aussi nombreux. N'oubliez pas de prévenir vos potes. On est sur Fun Radio tous les soirs de 23h à 2h et tous les dimanches de 20h à minuit. Gros bisous tout le monde. Ciao. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio.